3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. C'est le retour de la tablette magique. Hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Ah bah si, la semaine dernière on n'était pas là. Petit problème technique. Des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Eh oui, bon, mais cette fois-ci on est bien de retour et je suis bien avec Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment ça va? Ça va, petit problème technique pour être totalement honnête. Moi je suis un travailleur nocturne, je travaille de nuit. Et j'étais persuadé d'avoir mis mon réveil parce qu'il faut savoir quand même quoi. On fait ça, les enregistrements, sur nos heures de repos ou... Et donc, de non-service. J'avais mis, mon réveil, enfin, ce que je pensais. Et donc je finis à 7h du matin, le temps de me reposer un peu, tout ça. Et au final, en fait, mon réveil, je ne l'avais pas mis. Et donc du coup, voilà. J'ai dormi. Et puis, comme... La panne de réveil, panne technique. C'est voilà, ça. Et comme quand j'ai vu mon téléphone, je voyais que Joanie était là. « Bon alors, t'es où hein ?» Mais c'était trop tard, donc voilà. C'est pas grave. L'actualité d'Enix pouvait attendre encore un peu. Et finalement, on est de retour. On ne vous a pas oublié. On est là parce qu'il nous reste encore quelques petits épisodes. Et puis, vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Enix. On a laissé passer 2 semaines. Il y a encore plus de choses à dire sur l'Enix. Donc, on va pas perdre de temps pour cet épisode numéro 129. Et oui, on approche de la 130. On lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines d'Enix. Puis dans la NBA, hein, un petit peu plus large. Allez, c'est parti, épisode 139 sur KNF TV, votre rendez-vous hebdomadaire ou quasi, il est là. Ça y est, c'est maintenant officiel, les Knicks ont un... Non, les Knicks n'ont pas de coach. Les Knicks ont... Non, non plus, ils n'ont pas un titre de champion en plus. Non, le titre de champion, il est parti chez qui? Il est parti chez le OKC Thunder. Ça y est, depuis cette nuit, on connaît le champion NBA 2024-25. Et ouais, cette fois, la saison est finito de chez finito. Fini. Les champions sont... les champions de l'Ouest, et ils sont champions NBA aussi, ça a été jusqu'en 7 matchs, eh bien on n'était pas tout à fait raccord sur le pronostic, moi je voulais une série qui se termine assez vite, parce que voilà, on a besoin de repos, on a besoin de souffler, ça ne nous concerne plus, finalement le 4-1, on oublie, le 4-2 que tu avais plutôt pronostiqué, on oublie aussi, ça a poussé en 7, finalement une finale qui a poussé plus loin qu'on pouvait espérer. Les Pacers, tout simplement, qui ont poussé cette campagne, cette saison pour eux qui est historique, plus loin possible. Hein. Lorsqu'ils avaient été en finale NBA au début des années 2000, ça n'avait pas été jusqu'en 7, ça s'était terminé plus tôt pour eux. Cette fois-ci, un peu crève-cœur pour eux, ils étaient si proches du titre. Et c'est passé à côté. Ça se joue à pas grand-chose. Ils ont mené dans la série 2 fois. Hein. Ils ont mené 1-0 en prenant le tout premier match avec un panier à la Haliburton, hein, comme on le connaît. Ce tueur, ce killer, ce joueur clutch. Hein. Il a aussi, lui, ses caractères de joueur clutch. On connaît bien joueurs clutch à New York. Haliburton en est un. Et ils ont mené 2-1. Ils auraient pu mener 3-1. C'est dommage, ils ont laissé passer une occasion et ils se sont bien accrochés, ils se sont bien battus, ils se sont battus jusqu'au bout. Et cette nuit, dans la défaite, il y a eu aussi une défaite crève-cœur pour eux. Alors on n'est pas sympathisant des Indiana Pacers, mais on reconnaît quand même que la finale était disputée. Et on ne souhaite en rien à personne, en tout cas, même pas à notre pire ennemi. Est-ce que Tyrese Haliburton est le pire ennemi des Knicks fans? Je ne suis pas sûr non plus. Mais voilà, cette blessure crève-cœur, ce tendon d'Achille qui a pété. Il a dû rendre les armes comme il a pu, Tyrese Haliburton, et abandonner ses coéquipiers alors qu'il aurait sûrement préféré pouvoir mener le combat jusqu'au bout. Donc bravo à eux aussi, aux Indiana Pacers, ils ont été de bons représentants de la conférence Est. Surprenant, personne ne misait sur eux au début de cette campagne de play-off. Et avec une 4e place de la conférence, ils ont quand même été jusqu'au final NBA, jusqu'au bout du bout, match 7, dommage. Et c'est OK ici, avec notre ami, qui ça ? Artie, Isaiah Hartenstein, il a bien fait de changer de conférence, de changer d'équipe, de prendre un petit chèque et choper une bague au passage. Il est champion NBA, c'est lui le représentant des Knicks, ancien Knickerbocker, qui perpétue la tradition des joueurs champions. Bravo à eux, OKC, un beau champion, Le plus dur sera de faire le back-to-back. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui a réussi à faire un back-to-back. Est-ce qu'ils seront en capacité de le faire la saison prochaine? Moi, j'aurais bien envie de dire non, parce que j'aurais bien envie de miser sur des Knicks en finale NBA. On était si proche cette année, et c'est aussi un petit peu à crève-cœur qu'on a vu les Pacers aller défendre la couronne de l'équipe de l'Est. Mais voilà, chacun son tour. Peut-être que ça sera nous l'année prochaine. On verra, on verra. T'as kiffé ces finales, t'as suivi ces finales, t'as apprécié ces finales quand même, t'as réussi à apprécier ces finales? Ouais, si, j'ai regardé ces finales, c'était sympa, ça jouait bien. En fait, si tu veux, je les ai aussi regardé un peu avec un œil en perspective avec ce que les Knicks pouvaient proposer en termes de jeu. Ouais, et je me suis dit que quand même cette équipe de Indiana était faite pour embêter plus que les Knicks au Casey. Et ça a joué bien, ça a joué de façon surprenante. Et puis, il y a pas mal. Alors, Indiana, c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur, enfin, en règle générale, Indiana. Mais après, il y a des individualités. C'est vrai que. J'aime beaucoup, déjà depuis l'époque de Philadelphie, TJ McConnell qui l'a explosé un petit peu aux yeux de tout le monde. C'est révélé. Alors que ça fait un moment qu'on le voit. Et souvent, il a mis des cartons contre les Knicks. C'est vrai. Même à l'époque de Philly. Ouais, moi, j'aurais bien aimé à l'époque, quand après il était parti, le récupérer un backup. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a un joueur que j'avais découvert l'année dernière et que j'ai d'autant plus apprécié cette année, c'est Andrew Nembhard. Il s'est pris des missions défensives sur SGA. Ça a été une grosse révélation pour moi et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce joueur. Et puis après, voilà, après il y avait Obi Toppin, évidemment, toujours un coup de cœur pour Obi. Obi nous a fait kiffer quand il était en Orange and Blue et puis il a fait des belles finales, même si son Game 7 est complètement au travers avec un zéro pointé, mais il a fait quand même des superbes finales. Qui nous aurait dit que lorsqu'on l'a récupéré, que c'est au match 6 où il est meilleur marqueur des Pacers. Ouais, avec combien il avait mis de points, une vingtaine de points. Hein. Ouais, sorti de banc. Son rôle en fait, son rôle d'Energizer quoi. Et il le fait à merveille parce que quand même, il a du skill offensif et quand il passe sous le panier là et qu'il marque. Ouais. Mais très fluide. Et puis Rick Carlisle que j'aimais bien aussi comme coach. En fait, j'avais plus d'affinité, on va dire, au niveau des joueurs du côté d'Indiana. Pour autant que je souhaitais les voir gagner, mais c'est vrai que quelque part, je souhaitais les voir gagner, mais je me l'avouais pas à moi-même. C'est des outsiders depuis le début. Hein. On a parlé de la storytelling overrated sur Haliburton. Et on a dit que c'était du fake, cette histoire. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est une équipe qui n'était pas considérée, qui a réussi à quand même éliminer Cleveland au tour précédent, avant les Knicks. Donc, faut pas l'oublier non plus. Des Bucks peut-être vieillissants, diminués, certes. Mais voilà, deux saisons de suite, finale de conférence et cette fois-ci finale NBA. Donc, ils ne sont pas là par hasard. Il y a une continuité dans l'effectif. Il y a un collectif. Voilà, c'est aussi les enseignements qu'on pourra tirer sur cette saison. OKC, c'est un collectif. Derrière des individualités très fortes que sont SGA et Williams. Mais derrière, effectivement, les Pacers étaient une équipe un petit peu en effet miroir, avec peut-être des individualités moins fortes, prises une par une. Mais un beau collectif, un beau coaching. Et ça a donné une belle finale, même si ça a été boudé par les audiences TV. Moi, j'avoue, je ne suis pas 1 million à regarder quand je regarde les matchs. Hein, je suis tout seul devant mon League Pass. Donc, qu'il y ait beaucoup d'audience ou pas, limite, peu importe. Mais voilà, le jeu était plutôt plaisant. Hein. Mais ce que je voulais rajouter, c'est ils n'étaient pas forcément à la base invités en finale. Mais c'est un petit peu en faux semblant quand on voit leur année 2025. Ouais. Et je dis l'année 2025. Pas la saison, le démarrage. Voilà, qui en font une des meilleures équipes de la Ligue quand on regarde au nombre de pourcentages de victoires qu'ils ont fait jusqu'à la fin de la saison régulière. Et finalement, dans la continuité, ces playoffs sont une demi-surprise, on va dire, voire même presque pas du tout, tant en fait, ils ont su rectifier la barre et ils ont su proposer un jeu hyper alléchant. Et après, maintenant, voilà, ces finales se sont terminées pour eux. Elles se sont terminées sur une très mauvaise note, avec cette rupture du tendon qui est horrible, la même que Jason Tatum. On voit derrière le mollet qui claque, la jambe qui s'extend et le joueur qui s'effondre parce que il a plus d'appui. Et clairement, c'était comme Jason Tatum en fait. C'est-à-dire, le mec qui veut partir, il est en plein élan. Il n'y a plus rien. Donc, l'année prochaine, avoir les Indiana Pacers, comment ça va faire? Parce que je crois que c'est une blessure. Moi, je ne suis pas docteur. Hein. Mais, non, mais il faut quand même de nombreux mois avant de revenir. L'intersaison va commencer. Et on avait déjà parlé pour Jason Tatum d'une saison peut-être un peu sacrifiée de la part des Boston Celtics. Parce que même s'il revient, ça va être compliqué. Quoi. Il ne disait pas 8-9 mois ou 9-10 mois pour. Ouais, c'est souvent à peu près cet ordre de grandeur. Après, ça dépend sûrement des métabolismes des uns des autres. On n'est pas sur des joueurs qui sont trop massifs. Kevin Durant avait eu cette blessure aussi. En finale également, après avoir été gêné au mollet, mais avoir insisté un petit peu pour jouer, peut-être contre l'avis des staffs médicaux des équipes respectives. Mais bon, on peut comprendre aussi ce côté un peu humain, arriver en finale NBA. C'est des joueurs qui ne sont pas sûrs de revivre des finales NBA. Non. Les Pacers ont une belle dynamique, mais peut-être qu'ils seront coupés dans leur élan par cette blessure, par d'autres choses. Donc oui, il avait envie d'aller au bout, après, ça peut être compréhensible. Il y a un gros collectif après. Il y a un gros collectif et l'équipe des Pacers, qui a été plaisant à voir aussi, même si voilà, on ne les porte pas plus dans notre cœur que ça, mais ils ont tenu le choc jusqu'à la mi-temps et au retour de vestiaire, ça a été compliqué face à OKC. Et encore, ils ont tenté un comeback dans le quatrième. Hein, c'était une équipe un peu à la Knicks sur certains aspects de « je lâche rien, on va jusqu'au bout ». Ils ont fait des comebacks et on en a parlé notamment dans la série face à New York. Voilà le collectif qui croit en eux avant tout. Même si les observateurs, les fans, les parieurs, les bookmakers, tout ça ne pensent pas qu'ils en sont capables. Eux, croyant en leur chance, ils n'en sont pas passés si loin. Le plus dur, ça sera encore la prochaine marche. Est-ce qu'on les reverra en finale? Ça va être compliqué, peut-être. La saison prochaine, là où ils avaient eu un retard à l'allumage cette saison, risque d'être aussi un peu difficile. Mais voilà, il y aura peut-être des renforts. À voir aussi le cas Miles Turner, lui qui était annoncé sur le départ quasiment tout le temps. Ils ont dit qu'ils allaient le re-signer. Ils s'étaient prêts un peu à casser leur tirelire, à passer dans la luxury tax pour avoir de la continuité. Il aura peut-être envie de poursuivre l'aventure parce qu'il aura vécu quelque chose de formidable avec cette équipe des Pacers qu'il a connue et la seule équipe qu'il a connue depuis son début de carrière en NBA. Donc à voir. La concurrence à l'Est, comment va-t-elle se renforcer? À voir aussi. Les Knicks sont, selon les bookmakers, les favoris pour remporter l'Est la saison prochaine. On verra, hein. On n'en est qu'au mois de juin, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Déjà, peut-être besoin d'un coach, on va en parler juste après. Mais voilà, effectivement, un parcours qui se termine avec une note un peu cruelle. Ils auraient pu perdre avec Haliburton encore sur le parquet. Ils ont perdu avec Haliburton qui était sur des béquilles pour saluer ses coéquipiers. Donc voilà, même si ce n'est pas un joueur qu'on porte dans notre cœur, même s'il nous a fait rager aux Knicks cette saison et la saison dernière, on ne souhaite pas de mal à ce genre de joueur. Et c'est toujours triste de voir une fin de saison comme ça. Quoi. Tu sais, je pense que cette équipe 2025 des Indiana Pacers, dans le cœur des fans des Pacers, elle aura sûrement la même saveur que l'équipe de 99 pour les New York Knicks. C'est-à-dire une équipe qui n'a rien lâché, qui malheureusement a perdu. Et bon, les Knicks, la blessure de Patrick Ewing est arrivée en finale de conférence. Mais disons que c'est une équipe qui n'a jamais rien lâché, qui s'est toujours battue et qui a déjoué les pronostics. Les pronostics. Là, c'était un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que les Pacers est arrivé vraiment dans un rôle plus que underdog, quoi. on les voyait presque sauter dès le premier tour et ils tapent les Bucks, ils tapent les Cavs, ils tapent les Knicks et puis à chaque fois en jouant bien, je crois. Donc je pense que peut-être qu'aujourd'hui les supporters des Pacers l'ont amer en se disant ah punaise, on n'est pas passé loin. Et des fois tu te dis est-ce qu'il vaut mieux pas prendre 4-1 que de perdre en 7. Mais de l'autre côté, après, dans quelques temps, je te dirai, on se souviendra de cette équipe des Pacers, on se souviendra de ce TJ McConnell qui était, limite dans la discussion pour être le MVP des finales. Ouais, carrément. Et puis de cette drôle d'équipe d'Indiana qui a poussé cet ogre au OKC qui gagne. Et quelque part, c'est tout sauf une surprise, tant ils ont dominé la régulière. Alors, un ouais, pipi dans les rangs. Ouais. Alors, c'est vrai que le premier tour contre Memphis a été une formalité. Derrière, ça a été très compliqué contre des Nuggets qu'on avait du mal un petit peu à jauger et ils sont allés en 7. Ils tapent Minnesota, ben 4-2. Voilà, ils se sont un petit peu fait peur, mais finalement assez rapidement ils prennent le dessus. Et tu te dis bon, ils vont faire qu'une bouchée des Pacers, bah non. Et puis non. Il y a une vraie série. Hein. Et puis non, il y a une vraie série. Ce premier match qui justement cette victoire qui pose le là en se disant ok bon là va y avoir une série parce que ben tout de suite quand t'as l'équipe qui gagne à l'extérieur tu sais que bon. Et donc, ben, c'était non, ces finales NBA ont été plaisantes à regarder. Ça a joué deux styles très différents, une très offensive, une très défensive, et la deuxième mi-temps défensive des Hawks. Oh là là, c'était. Indiana n'arrivait plus à marquer quoi. Et, ouais. C'était compliqué à voir pour eux. Bon. Ils étaient chez eux, portés par leur public. Ils se sont montrés patients parce que la première mi-temps a été plutôt compliquée hein, parce que Indiana répondait, quoi, malgré la blessure de Haliburton. Mais oui, derrière, ils ont élevé le niveau défensif. Des contres, en veux-tu, en voilà, des stops de Nesmith, de McConnell. McConnell qui a eu un match un peu compliqué parce qu'il s'est retrouvé un peu catapulté à un moment où il n'était peut-être pas attendu. Voilà, on comprend aussi qu'il y a des joueurs qui sont très forts, qui peuvent être très forts en sortie de banc par moment, mais ce n'est pas non plus du calibre de joueurs élite. Élite NBA, j'entends. Ouais, effectivement, la réalité a rattrapé les Pacers. Dommage pour eux. Ils peuvent être fiers, les Pacers peuvent être fiers de leur parcours. Je pense qu'ils seront fiers de leur parcours à l'issue de tout ça. Les fans des Pacers le sont. Les fans du Thunder sont aux anges maintenant. C'est le premier titre de cette franchise. Hein. Effectivement, c'est une franchise qui a déménagé, qui venait de Seattle. Mais voilà, l'héritage des Sonics n'est pas non plus réellement revenu dans ce déménagement-là. Donc, mélangeons pas les franchises. Ah ouais, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Je sais que... notamment un copain PA et pas trop de cet avis, mais moi ce sont deux entités différentes et pour moi les Thunder n'a pas à récupérer l'héritage des Sonics. Ce sont deux équipes différentes, deux époques différentes et d'ailleurs on parle la vie. Il se murmure fort que deux nouvelles équipes devraient rejoindre la NBA, Seattle et Las Vegas, en sachant que Seattle a conservé tout le package, naming, le branding Supersonic. Voilà, Supersonic. Donc, fort à parier que les Supersonics, si Seattle revient, ça sera les Supersonics. Donc, ils vont récupérer ben, tout leur truc. Donc, quelque part, ben, ok, si c'est bien, ils partent avec leur histoire et ils laissaient l'histoire des Sonics à côté. Au Sonics, à Seattle. Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, SGA et compagnie auront fait mieux que KD et compagnie à OKC. Et pour autant, des joueurs de qualité, il y en a eu. Des MVP en devenir, il y en a eu à OKC. On pense à 3, justement, KD qui a été MVP à OKC. On pense à James Harden qui a été MVP plus tard à Houston. Tiens, Houston, on va en reparler dans pas longtemps. Et ce Russell Westbrook qui a été l'image de cette franchise pendant un bon moment et qui a aussi été MVP. Ils avaient disputé une finale NBA face aux 13 Amigos du Miami Heat. Le Heat dont on ne parlera pas, parce qu'il n'y a rien à dire sur le Heat. Voilà, une petite crotte de nez gratuite. Mais voilà, effectivement, OKC qui écrit son histoire. Un effectif jeune, est-ce qu'on parle de dynastie en devenir? Est-ce que l'avenir leur appartient? En tout cas, ils sont jeunes, ils ont ambitieux, des assets. Parfois vicieux. Ils ont des assets en veux-tu, en voilà. Sam Presti qui était présent forcément hier. Il faut pas oublier qu'il y a encore, je sais pas combien de premiers tours de draft encore ils ont dans leur escarcelle. Enfin bref, ça veut rien dire. Là demain, s'ils veulent aller récupérer Giannis, limite, ils peuvent le faire, mais facilement quoi. Facilement. Donc, à voir. Je ne comprendrai pas qu'ils continuent à rajouter des jeunes talents, aussi soit fort que Kousmane Dieng. Mais voilà. Donc. Voilà, on verra. Affaire à suivre, en tout cas bravo, félicitations aux champions, les champions ça se respecte, on respectera décidément et dorénavant le OKC Thunder, on respecte aussi les Indiana Pacers, on verra si les Knicks d'aventure la saison prochaine les retrouvent en playoff pour prendre cette fois-ci leur revanche, on verra, on verra. Bon, on va basculer tout de même sur notre actualité Knicks. Bah oui, parce qu'on n'est pas sur un OKC Week. Have Pacer Weeks. Non, non, non, on est sur Have Knicks Week. Weeks au pluriel, même je serais tenté de dire, parce que là, ça va être des semaines entières de Knicks qui vont devoir passer avant de les revoir jouer. Et on va commencer à avoir un petit rendez-vous. Et ce petit rendez-vous, c'est cette semaine. Et oui, ça sera coupé en deux parties, parce qu'il y a le premier tour et le deuxième tour. Le premier tour dans la nuit de mercredi à jeudi et le deuxième tour dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est la NBA Draft. Alors bon, cette saison, la draft, on sait que Léon, il aime bien faire des petites opérations, des petits jeux de bonneteau, de je te trade un pick contre ci, contre ça. Il y a moins de matière pour jouer aujourd'hui, cette saison. Il n'y a que le pick 50 qui reste sur cette draft. Dit autrement, il va falloir être très patient avant de savoir qui va être retenu, qui va être appelé. Est-ce qu'il y aura des moves avant, au premier tour? Est-ce que les Knicks vont réussir à récupérer un tour de draft? Qui, quoi, comment? Il y a quelques noms qui circulent. Bon, c'est jamais évident non plus d'avoir les bons noms, surtout quand on parle d'un pick 50. Est-ce que ça intéresse de récupérer un first pick? Je pense pas. Non, pas cette saison, pas certain. On l'a vu, la saison dernière, les Knicks ont beaucoup drafté. Peut-être beaucoup trop. Peut-être beaucoup trop. Encore. 4 ou 5 5 de la même QV. Ouais. Mais on a Tyler Kolek. On a Pacom. On a Ariel. On a McCullough. Et on avait récupéré le Watson de la part des. Ouais. Des. Comment ça s'appelle? Des Boston. Comment ça s'appelle? C'est quoi cette équipe qui joue en vert là déjà? Tu sais, avec le petit bonhomme qui fume la pipe. les Boston Celtics. Oh, j'avais oublié. Et oui, on les a tapés au second tour. Une vague équipe. Une équipe d'expansion, ça non, c'est pas ça, c'est pas. Ouais, ouais. Ils ont pas trop. Leur palmarès, c'est pas resté à Seattle. On est de bonne humeur. On se demandait pourquoi. Mais non, oui, voilà, on avait récupéré un Watson, je sais plus quel est son prénom. Donc 5 joueurs issus de la même draft dans cet effectif. John Watson, je crois. Non. Ouais, non, je suis pas sûr. C'est pas Earl Watson? Attends, je suis sur Google. Attends, je suis sur Basketball Reference. Il te dit erreur 404. Je regarde dans les joueurs qui n'ont pas joué. Anton. Non, c'est pas élémentaire. Il a joué 9 matchs pour 22 minutes. Il y avait un plan pour lui, effectivement. Bon, bref, les Knicks s'étaient beaucoup renforcés avec des jeunes. Voilà. Marjon Bouchon. Un peu plus. Queen. Oui, mais c'est pas un rookie. Bon, en tout cas, ces joueurs-là, on risque de les voir un peu à Vegas. Au moins, on aura de quoi faire une équipe de Summer League. Ça, il n'y aura pas besoin d'avoir trop de noms additionnels. Et de noms additionnels, eh bien, on a un certain James. Il s'appelle pas LeBron. Il s'appelle Nagy, c'est ça? C'est ça. Il a évolué en Europe, un peu au Barça, mais pas que. Il a été après basculé en Pologne, Ukraine. Je ne sais plus quel est le championnat dans lequel il a été basculé. Où joue-t-il? Voilà, on l'a pas trop suivi. On va peut-être le voir un peu plus à l'œuvre justement à Vegas cet été, au mois de juillet, dans quelques semaines maintenant. Mais voilà, c'est le rendez-vous de la semaine. Les Knicks auront l'occasion de drafter, de rajouter un jeune de plus. Est-ce que ça sera un Européen ou pas? À voir. Alors il joue. Alors c'est pas en Pologne, il joue en Turquie. Alors il joue au Merkezenfendi. Pardon. Belediyesi Denizli. Basket. Ok, à tes souhaits. Alors, on ne le fera pas répéter deux fois, j'espère que vous aurez noté. Alors, c'est un club de quel qui est basé à Denizli. Voilà, donc c'est le club de Denizli. Denizli en Turquie. On salue tous nos amis turcs. Je ne sais pas ce championnat, cette équipe, ce joueur. Désolé de la prononciation. Bah, après, au championnat, ils ont quand même de grosses équipes. Ils ont le Fer, ils ont... Mais par rapport à cette équipe, est-ce que c'est l'équivalent de la Betclic chez nous? Est-ce que c'est la seconde division turque? Quel est le classement de cette équipe? Et qu'est-ce qu'a nous donné notre ami James Nadji? Alors attends, je peux te le dire, James. Alors je peux te le dire. Donc, déjà, est-ce qu'il a bien performé là-bas? Déjà, c'est un club qui a été fondé en 2017. Plutôt récent, plutôt très récent. Une expansion. Tac, alors l'équipe a subi là, 2019, ils ont terminé en tant que leader en saison régulière, là, 2020-21, dans la catégorie BSL, donc la Super League Basketball, donc connue sous le nom de Turkey Sigorta Basketball Super League. D'accord. Ok. Tout un programme. Bon, en voilà, en tout cas, ça sera l'occasion de le voir. En tout cas, il était le pivot titulaire de cette équipe. C'est bien. Et qui compte Ben McLemore dans leur team. Tiens donc, un ancien joueur des Sacramento Kings. Sacramento Kings, on en parlera peut-être, il y a une petite transition à faire dans quelques rubriques. Ah oui, donc ouais, quand, ouais. Même, hein, y a... Quand même. Il y a des joueurs qui arrivent là-bas. Voilà. Bon, un joueur qui avait été à un moment donné dans l'effectif du Barça, est-ce qu'il a été rétrogradé en allant jouer un petit peu en Turquie? Est-ce qu'il s'est aguerri sur le sol turc et les parcs turcs? Alors, déjà, il faut on dire... On va voir. Déjà, plutôt un beau bébé, en tout cas. Voilà, déjà, il faut dire qui il est. Alors que c'est James Nagy. Donc, c'est un joueur d'origine nigériane. Donc, toujours un petit peu dans la mouvance OG. Precious, OG. Hein. Un bel athlète. 2m11, 122 kilos. Là, ça mange bien en Turquie. Là, ça te pose le bonhomme. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Il en aura 21 le 2 août. Donc, il est quand même très jeune. Il a le droit de boire de l'alcool. Au CBS. Il a été drafté, donc, premier choix du second tour en 2023 par les Detroit Pistons. Le 31e choix, oui, c'est ça. C'est donc par les Detroit Pistons. Je crois qu'on le récupère comment, lui? Dans les droits l'année dernière, c'est pas avec le trade de Kat ou Mikal? Je sais plus, c'était peut-être Mikal. Comment on le récupère, lui? Mais comment il passe de Détroit à... Bref, à la Turquie. Bon, écoute, il y a qu'un pas. Hein. En fait, après, derrière, il avait été envoyé au Charlotte Hornets. Et ouais. Je sais pas ce qu'il en a fait. Il y a quelques images de lui qui ont circulé en Summer League avec les Hornets. Mais... Donc, voilà. Ça sera l'occasion de le voir, en tout cas, dans quelques semaines. Un pivot à voir. Un pivot. Est-ce que. Je sais pas après, est-ce que c'est plus un pivot type Mitchell Robinson? Ça a l'air. Ça a l'air en tout cas. Mais écoute, on verra. Ouais, ça sera. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui sera. Et que Rokas Jokubaitis a dit que lui. C'est bon. Merci. Ouais. Moi, Vegas, j'ai fait le strip en long, en large, en travers. C'est bon. J'y retourne plus, moi. Ouais, non, effectivement, Rokas Jokubaitis, qui avait été drafté il y a quelques saisons de ça. Je ne me rappelle plus quelle était sa QV. C'était pas la QV de RG, ça devait être la QV d'après. Obi, 2020, IQ. 2023. Bah, attends, tu sais que je peux tout te dire. Et qui a fait quelques Summer League, mais qui n'a jamais réussi à traverser l'Atlantique malgré de belles performances. C'est la entre draft autres, de Barça. Wembanyama, la draft 2023. Je connais pas. C'est un grand joueur qui a fait sa retraite. Dans un temple Shaolin. Ah oui, si, d'accord, ok. Oui, okay, un joueur d'échecs. Ouais. Donc, c'est, ouais, c'est la draft de, bah, notamment, ouais, des frères Thompson, Scoot Anderson, Bilal Koulibaly. Voilà. Belle draft. Okay. Et donc, bah, on a James Nagy choisi aux première place du second tour. Et vu que nous, on aime bien drafter au second tour, est-ce qu'on avait drafté là, nous? J'ai pas l'impression. On verra en tout cas en fin de second tour. On a récupéré déjà du Jericho Sims. On a récupéré l'année dernière du Kevin McCullough qu'on n'a pas trop vu. On a récupéré surtout Ariel Hugporti qu'on a un peu plus vu. Donc ça va être intéressant de voir un peu cet attelage de joueurs pour la Summer League. Est-ce que les Knicks vont faire bonne figure en Summer League? Bon, on essaiera de regarder ça avec un œil un peu attendri. Et puis, voir un peu comment nos sophomores s'épanouissent. Souvent, à Vegas, les sophomores réussissent plutôt bien de leur deuxième campagne de Summer League. Donc, ça sera plutôt intéressant à regarder. Et puis, voir si, pourquoi pas, il n'y a pas un petit potentiel qui pourrait se glisser dans l'effectif de la saison prochaine. La saison prochaine, où pour l'instant, bah, on n'a pas de coach. Hein, on a dit au revoir à Tom Thibodeau, mais les Knicks ont été moqués. Bah oui, parce que les Knicks sont souvent moqués. Vous vous rappelez cette histoire de 0 sur 5 on a cogné à la porte des Suns. Les Suns, Non, pas des Suns. on a cogné à la porte des Hawks. Non, ils ont dit non. Les Bulls, non. Les Rockets, non. Les Mavs, non. C'est qui l'autre équipe? Je ne sais même plus. Les Wolves. Les Wolves, oui, voilà. Chris Finch, c'est ça? Chris Finch. Les Knicks sont toujours à la recherche d'un head coach. Pour l'instant, ils n'ont pas encore de head coach officiellement nommé. Il y a eu des interviews qui ont commencé, mais il y a eu surtout beaucoup de refus. Refus non pas de la part des coachs en question, mais des franchises, puisque c'est des coachs qui étaient sous contrat. Ça pouvait laisser perplexe de se dire, mais pourquoi est-ce que les Knicks vont chercher des coachs sous contrat? Mais pourquoi? Pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but si en plus ils sont sous contrat? Ils vont pas se faire libérer, délivrer par leur franchise, à moins qu'il y ait une volonté effective des coachs de changer de crèmerie, de changer d'équipe. Beaucoup ont parlé autour, enfin beaucoup d'encre a coulé sur le nom de Jason Kidd. Jason Kidd qui semblait être une sorte de favori de la part des Knicks, de cible numéro 1. Bon, les Mavs n'ont pas craqué, les Mavs n'ont pas laissé un interview se faire. Au niveau des connexions entre Dallas et New York, on sait qu'il y en a quand même de multiples, notamment avec un certain Jalen Brunson, notamment aussi avec l'équipe du staff médical qui était la saison d'avant plutôt du côté de Dallas. Là, il y a également un assistant qui est parti... toujours dans le Texas, quelques kilomètres un peu plus au nord, direction Fort Alamo et San Antonio. Donc voilà, est-ce qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz du côté du Texas à voir? En tout cas, les Knicks aimeraient bien un petit peu s'engouffrer là-dedans. Entre-temps, eh bien voilà, c'est Quinn Snyder, c'est Billy Donovan, c'est Ime Udoka qui ont été approchés et qui ont tous vu un non, c'est pas possible de la part des franchises. On a vu aussi que entre-temps, bah, Billy Donovan avait été prolongé par les Bulls. Visiblement, il croit en projet des Bulls. Je sais pas. Voilà, on peut se poser des questions. Après, ceci dit, moi, si Billy Donovan venait pas, c'était pas un souci. Hein. Non, moi, ça me va aussi. Franchement, j'ai pas été séduit des masses par son sans vouloir, passage voilà, actuel à Chicago. Voilà, ça ferme la porte un peu à Tom Thibodeau qui aurait pu rebondir là-bas, pourquoi pas, mais non. Également, une fin de non-recevoir de Ime Udoka, du moins. Pas d'Ime Udoka en direct, mais de la part des Houston Rockets, qui depuis se sont montrés actifs aussi en lui prolongeant son contrat et en lui ramenant un joueur un peu coté. On va en parler dans quelques instants. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de cette collection de refus, de non merci, c'est pas possible, allez voir ailleurs si vous n'avez pas trouvé un coach. Ouais. Ça a été beaucoup moqué, trollé, on a eu tout un tas de sons de cloche différents. Certains vont nous dire, mais non, c'est un process, les Knicks prennent leur temps. Alors, ils n'ont pas pris leur temps pour remercier Tom Thibodeau, au moins c'était clair, et plutôt que d'avoir des leaks qui nous disent qu'ils cherchent alors qu'il y a un coach en place, la situation de Tom Thibodeau a été clarifiée très très vite. Par contre, bah, cette recherche est dure, et cette recherche elle ne se fait pas exclusivement sur des coachs libres, elle se fait aussi sur des coachs en place. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu reçois ça? Comment tu analyses ça, toi, cette recherche de la part d'Enix? Alors déjà, je voudrais juste dire que les Knicks, quand ils démarchent des équipes, déjà c'est quelque chose d'assez, on va dire, inhabituel. En règle générale, les clubs vont chercher des entraîneurs libres. Et là, donc, ils ont démarché des clubs avec des entraîneurs en place. Donc forcément, les clubs en place ont dit un non négatif en disant « vous n'allez pas prendre notre coach ». Cependant, juste pour rappel, un certain Pat Riley a démissionné par fax pour s'engager avec le Miami Heat qui l'avait démarché. Et parce qu'il n'était pas d'accord avec la direction à l'époque. Et donc Pat Riley avait démissionné par fax. Donc. Je sais pas si, alors en petit aparté, je sais pas si c'est le premier coach qui a démissionné ou qui s'est fait extirper comme ça, puisqu'il y avait eu ça a fait un précédent et les Knicks avaient parlé de tampering. Pat Riley était sous contrat des Knicks, donc voilà, il a été délogé de son poste de par les mouvements du Heat. Qu'ils n'ont pas demandé l'accord, et à ce moment-là, la NBA avait tranché en disant « Bon, ok, allez, on vous file un pic de draft, et puis on n'en parle plus, quoi. » Ouais, ok. Et donc maintenant, dès lors qu'il y a des démarchages de coach, il faut se mettre d'accord. Ils avaient forcé la main. Je veux dire, Pat Riley avait forcé la main d'Enix avec ce fax comme quoi ben, il démissionnait. Dans la foulée, il s'engage avec le Heat. Enfin, tout est fait, quoi. Et donc au final, tout le monde se retrouve avec la NBA, les Knicks se retrouve avec un petit peu voilà, le nez dans la soupe, en mode bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, mais tout ça pour dire juste que. Il y a un précédent qui fait peut-être c'est déjà arrivé, ouais. Qui fait peut-être jurisprudence, et que si demain par exemple on a un coach qui est intéressé par le poste des Knicks, et ben pourquoi pas lui aussi démissionnerait par fax et les Knicks l'engagent dans la foulée. Et je sais pas si les coachs ont la capacité de démissionner, des coachs qui se sont fait remercier avec des contrats. Pour pas travailler, c'est passé, il avait démissionné. Ouais, ouais. Oui, bon. Mais c'était une autre époque, et peut-être que voilà. Depuis les contrats ont évolué, on avoue ne pas avoir de contrat de coach, nous, et ni des petites lignes qui vont bien. Après, voilà, ça, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en effet, ouais. Après s'il y a des clauses, mais bon, juste ce que je dis juste, c'est que si on avait suivi cette logique-là, Pat Riley n'aurait jamais mis les pieds à South Beach, et du coup, ben, ça aurait jamais donné toute cette histoire pour le club du Heat. Après, donc bon, ils ont démarché. Pourquoi certains coachs, ils ont démarché certains coachs. C'est vrai que moi aussi, ça m'a laissé perplexe en mode. Il y a des profils, effectivement. Voilà, on sent pas que c'est comment dire, qu'il y a une logique sur certains profils de coachs plutôt que d'autres. Chauncey Billups, bon, je suis pas certain. Enfin voilà. Donc, au final, tous les clubs ont fermé la porte, ce qui est logique, on va dire. Ouais, donc en mode ouais, les Knicks ils ont débarqué Thibodeau, ils avaient pas de plan. Ah, les blaireaux. Ou alors maintenant, ah, c'était le plan. Enfin bref, quand tu écoutes Bein Sports, c'était le plan. Ils se foutent de la gueule du monde en mode ah, c'était le plan, mais vous comprenez pas, c'est le plan. Bah, il y a pas que Bein Sports, hein. Pas que Bein Sports. Mais ils ont démis de ses fonctions Tom Thibodeau parce qu'ils ont estimé qu'ils arrivaient peut-être en bout de course avec lui et que le jeu proposé n'était peut-être pas celui en raccord avec une NBA moderne et notamment avec une utilisation d'un banc. Ce que toi, tu n'étais pas trop d'accord, moi j'étais plutôt dans cette mouvance-là. Au final, ils se donnent l'été pour trouver un coach. En soi, ça me gêne pas qu'ils prennent le temps. La saison NBA ne reprend pas demain. Elle vient de se finir. Et même la Summer League, c'est pas le coach qui va coacher cette Summer League. Le training camp, on parle de plutôt septembre-octobre. Donc oui, voilà, il y a du temps aussi. Je pense qu'à l'été, on a un coach au Knicks. Mais là, ils vont interviewer des coachs qui sont libres. Là, on en a déjà eu deux, Taylor Jenkins et Mike Brown, qui ont eu une entrevue. Maintenant, on ne sait pas tout, parce qu'aussi, on a beaucoup... moi, je ne suis pas journaliste, toi, tu n'es pas journaliste. Et finalement, en fait, on fait le même travail que certains qui sont journalistes, mais qui juste, en fait, recoupent des informations de Twitter et te redégueulent ça à moi de regarder, c'est des vérités, sans vraiment un travail journalistique, alors que c'est leur boulot. Ouais. Moi, je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon taf. Moi, j'ai un taf à côté et j'essaie de le faire de la façon la plus professionnelle qui soit. Et après, ce qu'on vous donne à vous, c'est ce qu'on lit si vous n'avez pas le temps. C'est nos ressentis, nos analyses, voilà. Nos impressions, nos surprises, nos accords, nos désaccords sur ce qu'on voit passer. Ouais. Mais il y a des journalistes normalement qui sont là pour avoir des informations de la part d'inside. Alors, soit on a les insiders, c'est-à-dire les mecs comme Begley, comme Katz, comme. Ceux-là sont connus, reconnus. Voilà, et après, derrière, tu as les Charagnat qui ont donc des informations. Et après, donc, tu as des journalistes un peu à la française qui eux, vont récupérer ces informations-là sur Twitter. Ils vont te faire un mix de tout et te dire ah, mais regardez, les Knicks, ils sont vraiment trop nuls. Bon. Sans vraiment réfléchir derrière, en essayant de se projeter un petit peu sur une politique sportive. Et j'ai envie de dire, à qui profite le crime? Ces 5 franchises là qui ont été sollicitées, pourquoi est-ce que ça leak? Est-ce qu'il n'y en a pas eu d'autres sur lesquelles il y a eu des sollicitations et que ça n'a pas leaké? Bon, il y a peut-être une forme aussi de discrédit à jeter sur les Knicks, en disant, regardez, ils nous ont demandé, on ne sait pas en fait si c'est vrai, si c'est faux, voilà, et puis limite, peu importe. Et puis, on ne sait pas non plus quand d'autres franchises sont à la recherche de coachs, qui prospecte-t-il réellement ou pas? Quand c'est des assistants, on en entend parler parce que voilà, les assistants, ils ont une certaine forme de ticket de sortie un peu plus facilité parce qu'ils sont que assistants et s'ils peuvent obtenir un poste de head coach, pourquoi pas leur faciliter la transition. Mais voilà, j'ai pas à souvenir que les autres saisons, alors soit les Knicks ont une approche totalement différente cette année, pour cette recherche, mais sur la recherche précédente, il y avait des noms qui étaient déjà apparus, les J-Kid étaient déjà là, les Ime Udoka étaient déjà là, mais voilà, ça n'avait pas fait autant de bruit, là, parce que c'est l'Enix, parce que peut-être que la séparation avec Thibaudot, elle a fait réagir, certains voulaient son départ et réclamer son départ, et puis une fois qu'il est parti, oh bah c'est bizarre, il est parti, il est maltraité, machin. Ouais, alors ça donc il y a peut-être un peu à côté, ça on surréagit à chaque fois, quoi. Ouais, ça oh, mon Dieu, je suis surpris, oh ah, mon ouais, Dieu, non. C'est pas normal. Bon, non, on a pas mal de médias bon. Qui étaient en mode, toute la saison, regardez les Knicks, et ils vont tuer les joueurs. En ça, je parlais de bashing, moi, parce qu'il y avait effectivement un peu un procès de fait tout le long de la saison, voire depuis oui, plusieurs saisons. Et quand, en fait, finalement, bah, la décision elle est prise, finalement, quand il arrive, tu étais dans le mauvais. C'est-à-dire que si tu gardais Thibaudot, ah ben alors les Knicks ils comprennent pas, ils gardent Thibaudot, ils continuent, mais ils voient pas qu'ils. 48 minutes les joueurs, Et tu vires Thibaudot, ah ben d'accord, il y aura un coach qui les amène. Donc quoi qu'il arrive, t'avais tout faux. Ayant tout faux de toute façon, donc c'est pas. Moi, et il est sûr que le candidat, le coach qui sera retenu ne fera pas l'unanimité. Ah non. Parce qu'il y a rarement deux coachs qui font l'unanimité. L'unanimité, elle viendra dès lors qu'il y aura des résultats. Dès lors que ce coach arrivera à amener les Knicks là où Léon Rose a envie, là où James Donald a envie d'aller avec cette équipe. Après, est-ce que l'équipe va changer? On verra. Mais en tout cas, il y aura une pression et d'où aussi peut-être le temps. Que les Knicks veulent se donner, que le front office veut se donner. Moi, je pensais aussi que après l'annonce de la séparation de Tom Thibodeau, il y avait quelque chose qui avait été réfléchi et il y avait déjà une sorte de shortlist et que ça pouvait aller assez vite. Visiblement, c'est pas le cas. C'est pas le cas de par ses recherches un petit peu partout dans la ligue. Il y a des profils, moi, qui m'interpellent. Pourquoi tu Billy Donovan? Est-ce que ce qu'on a vu de lui à Chicago fait dire aux Knicks que ouais, ça serait le coach qui nous permettrait d'aller plus loin, de faire mieux que Thibodeau. Là, j'en suis quand même relativement perplexe. Du Quinn Snyder, pareil, à Atlanta. Alors, c'est pas un mauvais coach en tant que tel. Il avait fait du bon travail plutôt à Utah. À Fred Hoiberg, moi. Qui était un ancien de qui de non, il était pas. Où est-ce qu'il jouait, ce Fred Hoiberg, ouais, bref. Qui jouait, qui coachait Indiana ou pareil Chicago, ah. Je sais plus. Il y a des noms comme ça qui ont un peu disparu. Mais voilà. Et là où on pouvait aussi dire aussi que peut-être que les Knicks avaient saisi l'opportunité de remercier Tom Thibodeau parce qu'il y avait eu des mouvements en fin de saison. Typiquement Michael Malone. Typiquement Jake qui pouvait dans une situation un petit peu bancale avec le trade de Doncic qu'il avait apprécié plus qu'à moitié. Donc voilà, il pouvait y avoir des orientations qui laissaient entendre que les Knicks avaient un plan et que ça pouvait aller assez vite et que voilà, on aurait ce nom de coach. Bah non, c'est pas le cas. Alors bon, ils ont prospecté un peu partout dans la ligue pour être sûr et certain qu'ils n'ont pas loupé quelqu'un. Quelqu'un qui était sur le départ. Mais bon, ils nous auraient annoncé un Billy Donovan et le coach Genix. Voilà, ça aurait été compliqué de voir quelle était l'idée, la suite dans les idées de la part du front office. Billy Donovan, vraiment, moi aussi, j'aurais trouvé ça quand même plutôt étonnant. Après, si on parle des coachs, et on va aussi faire un petit rappel rapido sur Tom Thibodeau. Bah oui, Tom Thibodeau, il a entre-temps fait sa petite lettre d'adieu. Alors, il poste pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Certains ont dit, oh, il a créé un compte juste pour dire au revoir. Non, en fait, ce compte, il était déjà créé l'année d'avant. C'est juste qu'il poste rien. Et en même temps, il n'a pas l'air d'être trop dans les réseaux sociaux, l'ami, hein, l'ami Thibodeau. Donc, il nous a fait une petite lettre d'adieu et elle est toute en retenue, sincérité et un peu d'émotion à la Thibodeau, où il a remercié effectivement les fans, le public et l'organisation des Knicks. Donc, voilà, je pense qu'il part quand même un peu de façon crève-cœur pour lui. Il y a eu quelques retours. Les retours, je pense que c'est ces joueurs qui étaient les plus proches de lui au niveau de l'effectif. Et ces deux joueurs, c'est Josh Hart et Jalen Brunson. De là à se dire que c'était les seuls soutiens qu'il avait dans l'effectif, on ne prendra pas forcément ce raccourci. Mais effectivement, dans les revues, dans les interviews de joueurs en fin de saison, les éléments qui ont été rapportés par les différents insiders, c'est qu'il y avait certains joueurs qui ont critiqué la méthode Thibodeau et ça a peut-être précipité son départ, là où potentiellement Léon Rose n'était peut-être pas encore enclin à déclencher le plan nouveau coach. Donc voilà, mais ça c'était les éléments qu'on a pu recevoir de la part de la famille Knicks en fin de semaine dernière. Et donc oui, deux coachs tout de même font partie de la shortlist actuelle, du moins font partie des coachs interviewé. C'est comme ça que ça se passe en NBA. Il y a des interviews. Hein. Bonjour, comment ça va? Vous voulez être coach, Lennox? Oui, pour qui, pourquoi? Vous avez une lettre de motivation? Vous avez un CV? Et ces coachs-là, eh ben, on parle de Monsieur Jenkins, anciennement coach des Memphis Grizzlies, qui a été remercié quasiment à l'approche des playoffs en fin de saison régulière dernière. Et puis, on parle de Mike Brown, ancien coach des Sacramento Kings. Eh ben oui, on en revient, des Sacramento Kings, et aussi coach des Lakers, et aussi coach des Cleveland Cavaliers. Je suis pas sûr qu'il ait été coach, head coach d'une autre franchise, Mike Brown. J'ai un doute maintenant. Tu as ça, toi, en tête, le CV de Mike Brown? Je peux te le dire. Sacramento, en tout cas, qui avait permis de faire un retour en playoff la saison dernière. Il avait été coach of the year aussi, Mike Brown, la saison dernière. Comme quoi, ce titre de coach of the year, bah, c'est pas forcément tout le temps une bénédiction. Il a commencé en tant qu'adjoint. Oui, assistant pendant pas mal de saisons. Hein. Donc, de 97 à 99 au Washington Wizards. Pas la ensuite, meilleure époque. Ensuite, il a enchaîné de 2000 à 2003 au San Antonio Spurs, toujours en adjoint. De là, il a connu trois postes de head coach d'affilée. Le premier de 2005 à 2010 au Cleveland Cavaliers. Ensuite, il a été un an aux Lakers. Ouais. Et ensuite, il est revenu aux Cavaliers pendant un an. Ah oui. De là, il a eu deux ans d'inactivité. Et il est revenu pendant six ans en tant qu'assistant coach des Warriors. Ouais. Voilà, où, là où ils remportent plein de titres et ils avaient un assistant, lui et. Comment il s'appelle Steve Kerr. Steve Kerr. Et, non, Steve Kerr, c'était le head coach. Mais ouais. après, ils avaient le nouveau coach des Cleveland Cavaliers. À chaque fois, j'oublie son nom. Kenny Atkinson. Kenny Atkinson, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, il quitte ce poste pour prendre le poste des Kings de Sacramento. De 2022 à 2024, et donc il a été démis de ses fonctions en fin d'année dernière. Et il faut savoir qu'il a été également le sélectionneur du Nigeria de 2020 à 2021. Voilà. Donc voilà, un coach qui a de multiples expériences, références. Est-ce que c'est le coach qui peut faire atteindre la Terre promise Onyx? Chacun se fera son avis. Il a été quand même. J'avoue être un peu perplexe aussi par rapport à ce nom. Il a été deux fois coach of the year en 2009 avec les Cavaliers, 66 victoires et 16 défaites, et avec les Sacramento Kings l'année du Light the Beam. Voilà. Oui, le Beam qui est un peu moins lumineux maintenant. Qui est moins abîmé, quoi. Qui est abîmé. Qui est plus abîmé, quoi. Il est abîmé. Ouais. Bon, Sacramento, une franchise qui est un peu abîmée. Abîmé, hein, qui a du mal à trouver sa gloire d'antan, et encore sa gloire commence à dater aussi. Mais voilà, en tout cas, il a été remercié en courant de saison. Il a été remplacé par Doug Christie, qui est un assistant aussi, qui est un ancien joueur drafté par les Knicks. Il a été conforté à son poste, lui. Doug Christie, oui, il a été prononcé. Ouais. Bon, c'est vrai que des assistants qui prennent le relais en cours de saison, c'est assez régulier. On l'a vu aussi aux Spurs, qu'il y ait une sorte de prolongation pour voir un petit peu ce que ça peut donner quand le projet n'est pas non plus hyper, hyper ambitieux. À voir quelle sera l'ambition réelle des Sabonis et compagnie à Sacramento la saison prochaine. Mais ouais, il a été prolongé. Il y avait eu un petit effet électrochoc avec le départ de Mike Brown. Doug Christie avait eu un peu de résultats, mais pas suffisamment non plus pour se qualifier en playoff. Donc voilà, à voir qu'est-ce que sera l'avenir du côté de la Californie. Michael Burton Brown, 55 ans. Et donc, en parallèle de ça, on a un monsieur Jenkins. Alors, Tyler. Comme Tyler Swift. Ouais, ok. Ok. Chacun ses références. Je partage un prénom. Je pense que Tyler Swift est largement plus connu que Tyler Jenkins. Hein, je veux pas dire, mais... Oui, je pense, effectivement, mondialement. Effectivement. On n'est pas après dans le même registre. Il y en a une qui chante, qui danse. Et l'autre, je ne sais pas s'il chante bien, il danse bien. En tout cas, il coachait pas si mal que ça du côté des Grizzlies. Mais pas suffisamment non plus pour être conservé. Un tirage qui est pris du côté de Memphis à différents. En niveau. Sache qu'en tout cas, il est plus jeune que nous. c'est dingue, ça. Ah oui, c'est marrant. Et on dit pas notre âge, donc à vous de deviner en commentaire quel peut être nos âges respectifs. Tu sais que c'est presque mon jumeau astral. C'est incroyable. C'est dingue, ça. Parce que moi, je suis du 13 septembre 1983. Du 11 septembre. Et lui, il est du 12 septembre 1984. Incroyable. C'est dingue. Je vais lui écrire. T'as dévoilé ton âge, ton signe astral et ta date de naissance. Voilà. Donc, si vous voulez faire un petit message de joyeux anniversaire à notre ami Choubix, c'est pas tout de suite, mais bon, on pourra le mettre dans le. 42 ans, attention. Alors là, ça va cliquer. Voilà. C'est le moment de passer head coach là maintenant. C'est le moment de passer head coach. Non, mais, et notre ami Jenkins, est-ce que t'as son. Non, mais c'est là que tu prends un coup de vieux, tu sais, c'est quand tu vois que le coach est plus jeune que toi, tu fais. Ah putain. Et c'est pas le coach le plus jeune. Après, sa barbe l'a peut-être un peu vieilli. Je croyais qu'il y avait des images de lui. Ouais, je le voyais plus vieux, quoi, tu vois. Oh, le petit jeune. Le genou. Place aux jeunes. Un coach jeune, bah, effectivement, par rapport à un Tom Thibodeau qui était dans les plus anciens coachs encore en activité, là, on aura peut-être un coach un peu plus jeune. Et si tu as, du coup, au-delà de ces fiches administratives, est-ce que tu peux nous donner un petit peu son parcours à notre ami Jenkins? Bien sûr. Alors, Tyler Jenkins. Ben, lui aussi, tiens, il est issu de la formation San Antonio Spurs. Décidément. Ouais. Il a été adjoint au Toros d'Austin, voilà, de 2008 à 2013. Derrière, donc, il part en assistant coach. Je pense qu'il doit être l'assistant coach de Budenholzer de 2013 à 2018 au Atlanta Hawks. Ah, Hawks, ok. Je pense qu'il doit partir avec Bud. Quand Bud part et prend les Hawks, vraiment il devient adjoint à ce moment-là. Et il doit le suivre, je pense encore une fois, aux Bucks de Milwaukee, puisqu'il a adjoint pendant un an aux Bucks de Milwaukee. Et il prend en 2019 jusqu'en 2025 la franchise des Grizzlies, des Memphis Grizzlies. Voilà, notre ami. Qu'il a mené plutôt de bonne façon avant les histoires de Ja Morant qui ont un petit peu torpillé, ouais, je pense. Exactement ça, tu vois. Alors, je te lis ce que me dit la fiche Wikipédia parce qu'évidemment, je ne connais pas la vie privée de chaque coach par cœur. Mais tu vois, il est marqué que Jenkins travaille comme adjoint des Hawks pendant 5 ans, de 2013 à 2018, sous Mike Budenholzer. Donc en fait, et vu que Mike Budenholzer était un assistant coach mythique, on va dire, de Popovich, donc ouais. Quelque part, c'était un peu normal. Et il avait trouvé son Budenholzer, quelque part. Et ensuite, Jenkins suit Budenholzer pour devenir assistant des Bucks de Milwaukee jusqu'à la saison 2018-2019. Et ensuite, il s'en va et il vole de ses propres ailes et il prend donc l'équipe de Memphis. Et il a été remercié cette saison à l'approche des playoffs, lorsque l'équipe commençait à avoir une spirale un peu de défaite et glissait plutôt dans le bas de la conférence Ouest. Après, il n'a pas eu non plus, enfin, pas de chance. Quand j'avais dit pas de chance, c'est. Bon, il a eu quand même un fou du flingos, quoi. Donc, il a eu des blessures, il a eu des suspensions administratives, voire judiciaires. Donc c'est vrai que pas évident pour lui, mais cependant, ouais. il arrivait tout de même à avoir des résultats, parce que quand tu regardes son parcours en tant qu'head coach avec Memphis, pardon, quand il prend l'équipe donc en 2019-2020, donc il a un pourcentage de victoire de 46%, 34-39, ensuite on passe à 38-34, et puis sa meilleure saison, ça a été la 2021-2022, où il fait un 56-26, avec Memphis, et ils sont éliminés en demi-finale de conférence face aux Warriors, forcément. Et puis après, donc, il enchaîne avec une autre saison à 50 victoires, 51-31. Et là, ils se font virer au premier tour par les Lakers, et ensuite, plus compliqué, on est sur deux saisons, ben justement là où ça a sorti un peu le flingue, là où il y a donc 27-55 et 44-29. Donc, mais je crois que la saison 2023-24 est plus compliquée parce que tu as des blessures. Il y a eu des blessures en plus. De Jaren Jackson Jr. T'as pas mal de trucs. Quoi. Un coach qui était peut-être arrivé en bout de cycle au niveau de son groupe, de son organisation. Peut-être pour ça qu'il a été remercié. Un coach jeune qui a fait quand même de bons résultats avec cette équipe jeune, de Grizzlies. Hein. Il est jeune, il a à peine 40 ans. Il est jeune, quoi. Il a encore sûrement des possibilités de rebondir en NBA. C'est les deux noms principaux qui ont circulé vis-à-vis des rumeurs d'interviews. Après, on n'est pas dans les secrets des dieux non plus. Hein. on n'est pas dans les secrets des dieux. On ne sait pas s'il y a eu des entretiens complémentaires qui ont été faits mais qui n'ont pas été dévoilés. Jason Kidd est un nom qui, semble-t-il, n'a toujours pas disparu des radars d'Enix. Non. C'est avec insistance, malgré ces histoires de refus, qu'il revient encore, ce nom. Y a des noms, par contre, qui ne sont pas apparus dans les radars. On pense à Michael Malone, qui lui avait été remercié par les Denver Nuggets pas plus tard que la veille ou l'avant-veille des playoffs, et qui est un coach qui a eu encore plus de succès que ces deux noms, que sont Brown et Jenkins, puisqu'il a été champion NBA, lui. Donc, et qui connaît un petit peu, qui a une expérience en tant qu'assistant au niveau Malone avec les Knicks. Kidd a été, a été champion NBA, mais en tant qu'assistant avec les Lakers. Kidd. Je parlais des coach. Mais voilà, donc c'est les seuls noms qui circulent encore à l'heure où on fait cette émission. Pas de Mike Malone, pas de. Ça s'est calmé quand même au niveau des rumeurs un peu folles, des haha, vous êtes pris un refus, haha, vous êtes pris un autre coach, refus. Justement, le coach des Lakers de cette année-là aussi, il a pas de. Comment il s'appelle? C'était fait vite. Vogel? Ouais. J'ai plus le nom. Marc, Chris, Vogel? Je sais plus quel est. Michael? Et Michael Vogel? James? Vogel. James Vogel? Voilà, bon, je sais plus. Vogel en tout cas. Hey Vogel. Hey Vogel. Attends, je vais. Alors Vogel. Bon, en tout cas, sur ces deux noms, toi, t'as une préférence, t'es plutôt fan de l'un d'un. Tu seras plutôt par rapport à un choix d'un l'un ou l'autre. Je suis fan, je suis ultra fan. Est-ce que toi t'es fan? Est-ce que toi t'es fan de Jenkins? Non, je prendrai ce qui se présente et puis. De toute façon, on n'aura pas le choix, mais. Voilà. Mais puis, est-ce que les Knicks auront le choix, j'espère, pour eux. Et puis je sais que je prendrai dans la gueule de la part de certains fans parce que moi je m'étais positionné. Ah bah oui, quand on prend des avis ou voilà. Qu'on donne une préférence, tu t'es trompé. Bah oui, c'est voilà. Vrai. Alors t'as vu, hein, on a pris par exemple Jenkins, t'as vu, hein, il fait une saison à 42-40, ça valait bien la peine de virer Thibodeau. Bon. Ça, je m'y attends pour l'année prochaine, évidemment. Je me suis préparé mentalement. J'ai fait une retraite, moi aussi, dans l'Himalaya. Je t'ai pas rasé la tête, ni la barbe. Non, t'as vu ? Mais voilà, donc je me prépare à ce genre de moquerie. Non, je n'ai pas spécialement de. Après, comme. Moi, Mike Brown, j'avoue, ça ne m'inspire pas des masses. Parce que. Alors, c'est des coachs qui sont libérés parce qu'ils sont arrivés au bout d'un cycle où leur équipe n'a pas. Leur dirigeant actuel n'avait pas eu confiance pour. Et si tu recrées le tandem Budenholzer-Jenkins? Bah, voilà, après. Non, je sais pas. Certains se sont dit, et pourquoi pas un duo? Pourquoi pas est-ce que Jenkins serait assistant de Brown ou Brown assistant de. Non, mais vu que. Comment. Jenkins a été l'assistant de Budenholzer, tu vois. Pourquoi pas, tu vois? Budenholzer, c'est pas un nom qui circule en ce moment, en tout cas, du côté de New York. Regarde, tu vois, s'il a pas de poste. Regarde que quand Kidd devient l'assistant de Vogel aux Lakers, tout le monde dit « Oh, what the fuck, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Que quand Mike Brown part et devient assistant de Steve Kerr, j'ai encore oublié son nom, mais je… Atkinson. C'est le coach de l'année, accessoirement. Accessoirement, c'est le coach de l'année, mais bon, et après, c'était fait virer. Et qui était assistant aux Knicks à l'époque de Jeremy Lin et compagnie. Hein. Pas oublié non plus. Mais, donc, si tu veux… Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Lui, peut-être que Jenkins, il a envie de se mettre un peu en retrait pendant, je sais pas, un ou deux ans. De se dire, allez, les responsabilités d'être coach, je vais laisser tomber. Mais je vais me remettre avec mon poteau Budenholzer parce que tous les deux, on se connaît, tu vois. Et c'est vrai que pourquoi pas? C'est vrai que t'as l'assistant et le coach qui sont tous les deux libres. Bah, tu vois. À voir. En plus, ils ont connu du succès ensemble, les deux. Ouais. Je sais pas, Budenholzer, c'est pas non plus le nom qui inspire le plus de confiance. Son passage cette saison à Phoenix était très compliqué. Spoelstra, mais il est pas libre. Non. Ça, c'est un fantasme qui... Je vois même pas comment il peut se réaliser. Quoi. C'est comme si on te dit ce soir, t'as Scarlett, t'as je sais pas qui qui vient chez toi. Tu lui laisses la dormir dans la baignoire ou c'est comment? Non, ça n'arrivera pas. Bref, dédicace à Scarlett. Non, moi dans les noms, j'en m'étais plutôt positionné sur un Malone en me disant que lui, effectivement, est le dernier coach titré qui a cette expérience la plus récente. Après, c'est un Thibodeau-like en ayant une utilisation forte de certains joueurs et. Pas forcément non plus une rotation exceptionnelle. Mais voilà, est-ce qu'il faut un coach offensif? Est-ce qu'il faut un coach défensif? On a plutôt un effectif qui a l'air de tendre vers l'attaque, selon moi. Donc, effectivement, il vaudrait mieux avoir un coach qui joue dans ce style de jeu-là. Après, on l'a vu aussi en finale NBA cette saison. Les Indiana Pacers, c'était pas une équipe qui était réputée à la base être défensive. Et pour autant, ils se sont mis de bonnes missions pour freiner le Thunder. Donc, voilà, les joueurs, les équipes, tout ça, ça peut évoluer. Il n'y a pas non plus un coach offensif, il fait que du jeu offensif. Il est tout pourri en défense, on se prend 140 points par match, mais on en met 145. Non, c'est pas aussi caricatural que ça. Le poste de head coach Jennings, il va être très attendu. Ça va être une énorme pression. Quand le nom va être révélé, on va dire « Ah, ça y est, c'est pour ci, c'est pour ça. Ouais, finalement, Thibodeau, c'était mieux. » On le sait. C'est certain que ça va arriver comme ça. Mais en tout cas, il y a une ambition. Et pour l'instant, après pas mal de remue-ménage avec ces histoires de refus des franchises d'autoriser des interviews, eh ben ça s'est calmé. À voir combien de temps ça dure. Est-ce que ça va reprendre un petit peu post ces finales NBA ? À voir, à voir. Mais on a hâte de savoir pour après avoir un peu de projection et aussi peut-être voir les mouvements de joueurs qui pourraient avoir lieu. En tout cas, il y a un joueur qui viendra pas à New York, ça c'est certain. C'est Kevin Durant. Les Knicks ont refusé et Houston a fait son trade. Donc voilà, cette fois-ci, c'est officiel. Kevin Durant ne sera pas un Knickerbocker parce qu'en plus, c'est accessoirement un Nets for life. Hein. Bon, voilà. C'est aussi un Thunder for life. C'est aussi un Warriors for life. C'est un for life de plein de franchises. Et peut-être que les Rockets, c'est encore qu'une étape. C'est un dynamiteur de projet, moi, j'aurais dit plutôt. Tu vois. Ouais, il faut que le projet soit vraiment, tu vois, structuré très fort comme celui du Warriors. Des Warriors qui n'a pas complètement explosé, même si c'était un peu compliqué. Ouais, mais après, ils ont retrouvé le champion, la bague de champion. Par contre, il arrive dans un projet jeune de Brooklyn. Le coach saute, le copain covidé, il balance des assets en veux-tu, en voilà pour Harden. Enfin bref. Au final, derrière, donc ils font exploser le projet Brooklyn. Derrière, il fait sa diva. Moi, je vais aller jouer avec Booker au Suns parce que c'est trop bien. Il va là-bas. Ouais. En fait, Booker, c'est pas mon copain. Il a fait tout exploser. Et donc là, ben là, il va. À Houston, mais hey, quel legacy de merde quand même, hein. C'est fou. Hein. C'est le mec. On parle quand ça même aurait été limite quoi. Bien qu'ils reviennent à OKC. OKC, ils avaient quelques tours de draft à filer, je sais pas quoi. Ils revenaient boucler la boucle, ils étaient champions ou finalistes. Bon, on aurait dit, ouais, il vient encore chasser une bague. Mais là, Houston, il va en faire combien des équipes NBA comme ça pour. Il y a déjà des mèmes qui circulent sur internet où on voit ah bah ça y est, il a complété l'arc-en-ciel des maillots. Il faut pas oublier parce que beaucoup disent ah bah c'est fini avec les Spurs pour Wembanyama qui est son idole, mais l'année prochaine il est agent libre. Donc rien ne garantit qu'il s'engage. Est-ce qu'il va prolonger 37 ans bientôt pour Kevin Durant. Blessures qui s'accumulent. Autant tu vois, ben là, il fait son année avec Houston. Il finit son premier tour parce que c'est souvent là où ça se termine. Et puis derrière, boum, il part avec son neveu Wembanyama. La legacy de KD, bon, effectivement, maintenant peut-être qu'il ne joue plus que pour ça. Make a Wish aura réussi à réunir l'idole avec le Master. Non, mais après, tu te dis quand même, c'est un des plus beaux joueurs, franchement, de la NBA. C'est une élégance, un joueur complet. Tellement fort de partout. Très fort offensivement. Mais même défensivement, je veux dire, c'est quand même. Bah, il est long et mobile, donc. Et tu te dis, ce type-là. C'est pas du gâchis, parce qu'au final, il a eu ses bagues, mais il a eu ses bagues dans un contexte très particulier des Warriors. C'est pas, tu vois, c'est pas lui-même. Et d'ailleurs, c'est un peu une patraillée, quoi. Comment il s'en va. les Warriors finissent avec le meilleur bilan. Ils tapent le bilan des Bulls. Alors, ouais, ok, ils perdent en finale. Hein. Ils perdent en finale contre les Cleveland Cavaliers cette année-là. Hein. C'est quand ils mettent 3-1. C'est 2016, le 3-1 qui est remonté. Et donc là, Kevin Durant fait « Allez, ben, je les rejoins, eux !» Et là, tu sais que ça y est. The Snake, le surnom est lancé. Et finalement, il ne le quittera plus, quoi. Est-ce que Kevin Durant, alors encore plus là, en 2025, à l'aube de ses 37 ans, Est-ce que c'est un franchise player? Est-ce que ça a été un franchise player? Moi, je pense oui à son époque de OKC, mais plus jamais après. Les Brooklyn Nets ont cru que oui, mais finalement, il n'a pas eu ce leadership qui lui a permis de s'engager vraiment dans un projet et d'incarner une équipe, Brooklyn, une franchise. Quoi. Après, avec Brooklyn, ils sont à une pointure d'éliminer les Bucks. Qui sont, j'ai horreur quand on nous raconte cette histoire. Mais c'est vrai! Parce que... Non, mais ils sont à une pointure. Alors, on nous dit ils sont à une pointure, mais ils étaient déjà sur un match 7 chez eux. Donc voilà, effectivement, il prend un shoot à 3 points, mais si monsieur mettait des chaussures à la bonne pointure, des chaussures trop grandes, voilà. Mais après, il y avait des finales de conférence et des finales NBA à jouer. Les Bucks n'auraient pas été champions cette année-là. Oui, mais les Knicks sont à une phalange de Hakeem Olajuwon d'avoir le titre en 94. Les what if, il y en a de partout. Donc, ça fait partie des what if. Eh ben, monsieur Kevin Durant, avec l'avantage du terrain face aux Bucks, il devait gagner et pas attendre un match 7 pour. Voilà, s'ils étaient si forts, si dominants, si rayonnants. Non, voilà, effectivement, bah oui, il y a cette histoire de pointure. Mais bon, derrière, bah vas-y, Coco, tu reviens la saison d'après et tu incarnes ton rôle de franchise player, de leader, et tu amènes l'équipe là où elle a buté. Après, à sa décharge, ils ont jamais vraiment pu jouer les 13 amigos ensemble. C'était un beau bordel. Il y a eu les histoires aussi de Irving, de trucs chelous avec, entre le Covid, entre ses prises de position politiques très douteuses. Étonnantes. Au final, il est jeté quand même mal propre presque à Dallas, Kyrie Irving. Hein, la franchise n'arrivait pas à le contrôler, le maîtriser. Et il y avait sûrement aussi un désamour entre KD et Kyrie qui font que voilà, cette association n'a pas marché. Et on l'a vu un peu aussi avec Booker. Kevin Durant, c'est un joueur très particulier. On l'a dit, ça fait un peu la diva qui explose dans les vestiaires après. À voir ce que les Houston Rockets arrivent à faire. Est-ce que avec la maturité, l'âge, il va aussi prendre cervelle. Après, ils l'ont quand même payé cher, quand, parce que 5 secondes tour, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Allez, on va quand même basculer sur Nonix, mais il y a aussi un trade qui a fait parler cette semaine, c'est le trade de Desmond Bane, qui quitte du coup les Memphis Grizzlies. Donc là, on se dit aussi que les Grizzlies, il y a peut-être un petit peu... Un changement assez important qui s'opère. Et 5 tours de draft pour Desmond Bane, payé par le Orlando Magic avec du KCP, avec je ne sais plus quel autre joueur. J'ai oublié qui faisait partie du package pour Desmond Bane. 5 tours de draft, tiens donc, ça serait pas le prix que les Knicks avaient payé pour un certain Mikal Bridges. Eh ben oui, comme quoi, du coup, il n'y a peut-être pas que les Knicks à payer cher parfois pour obtenir certains joueurs. Est-ce que Desmond Bane, ça vaut 5 picks de draft? Est-ce que Mikal, ça vaut 5 picks de draft? À voir. Parfois, il faut peut-être payer cher pour avoir les pièces manquantes dans un effectif. Est-ce que Mikal était la pièce manquante dans l'effectif? On en reparlera l'année prochaine, ou très vite même. Mais voilà, le Magic aussi essaye de se donner un petit peu de l'ambition, là où c'était une équipe qui avait quand même quelques difficultés offensives. Ils essayent de se renforcer, ils l'ont fait en tout cas, à voir si la saison prochaine ça prend. Est-ce que ça sera le Magic qui va être l'équipe surprise de cette conférence Est? Eux se sont renforcés, là où pour l'instant le reste est un petit peu tranquille, avant le gros transfert de KD dans la conférence Ouest, donc aux Houston Rockets. Toi, t'as été surpris de voir ce trade-là de Bane aussi? Ouais. Alors, le prix payé, en tout cas. Alors, le prix, il faut regarder un petit peu, parce que les picks, tu vois, bon, t'as du swap. Faut les relativiser, ouais. Ouais, c'est pas la quantité, mais la qualité du pick. Ouais, t'as d'autres picks aussi de d'autres équipes. Donc, au final, ils engagent le pick, eux, de cette tournée de draft de cette année. Bon... Ils ont déjà beaucoup haut, développé. Est-ce que vraiment, voilà. Puis finalement, pris derrière, à eux, ils engagent deux picks à eux. Parce que c'est Cole Anthony. Cole Anthony qui rejoint. Parce que le swap, finalement, ils draftent. Donc, en soi, un swap, j'ai toujours un peu de mal à l'inclure comme étant un... Oui, c'est un pick échangé, mais tu vas quand même drafter. Donc, des fois, l'autre équipe peut se planter et toi faire le style. Donc, bon. écoute, il leur fallait du shooting. Ils l'ont. C'est quand même un mec qui tourne à 40% à 3 points en carrière. Ouais. Desmond Bane, ça a été, lui, vraiment un pur style de draft. Voilà, quand il quand il arrive, il jouait Memphis. À Memphis, voilà, avec Taylor Jenkins justement. Tout de suite, il s'est imposé. Alors après, c'est vrai que c'était marrant parce que il n'a pas une très grande envergure, hein, il a plutôt des bras assez courts. Il a toujours des petits bras, quoi. Mais écoute, il est bâti comme un... Il dégaine. Il est bâti comme un bœuf. Il est fort offensivement. Je pense que c'est exactement ce qu'il leur fallait. Et mine de rien, cette équipe d'Orlando, avec toute leur refonte graphique, c'est-à-dire ouais. que là, qui va sentir fort les années 95, tu vois, avec ses maillots rayures. Bref, leur logo... Puis les rayures, ça allonge les bras un peu. Avec leur logo qui revient justement un petit peu aux premiers amours. Et cette équipe-là qui va être compétitive, tu sais qu'il y a une vraie hype hein, d'Orlando. En tout cas, je pense qu'elle prend le lead de la Floride. Voir comment faire Miami, mais en tout cas Orlando, je pense que là, pendant quelques temps, on va prendre le lead de la Floride. Et puis avec cette équipe-là, avec du Banchero, avec du Wagner, ils ont encore du super joueur. Jalen Suggs. Attention à cette équipe du Magic. L'année dernière, ils avaient commencé très fort. Moi, je sais que j'avais fait... de leur coach en début de saison, de Jamal Mosley, le coach of the year, pour moi, il s'est joué super bien. Après, ils ont eu une vague de blessures qui leur ont coupé les pattes. Mais cette équipe... Le retour de Banchero n'a pas permis de redresser non plus la bonne dynamique. Donc, ils ont performé quand Banchero s'est rapidement blessé. Et après, ils ont été décimés à différents moments par des blessures. C'est une équipe dont il faudra se méfier, le Magic. Ils se renforcent. En tout cas, c'est les premiers de la conférence Est à se renforcer. À voir ce que feront les autres franchises, mais en tout cas, voilà, c'est une belle prise pour eux. Ouais, c'est comme tout, les noms sur les papiers, ça fait pas tout. À voir comment ils s'intègrent dans un collectif. Mais Desmond Bane à Memphis, c'était pas non plus sur lui que reportait tout le jeu offensif. Donc, on peut être confiant sur la qualité du joueur à s'intégrer dans un collectif. Ouais. Et puis, de toute façon, quand t'es compétitif, quelque part, la draft, tu t'en fous. Donc, Ouais. C'est ça, les fameux 5 picks de draft. Bon, ils seront peut-être pas très hauts si l'équipe est performante, donc la valeur des 5, ça vaut peut-être 1 ou 2 au pic, finalement. Mmh. Et comme pour le prix que les Knicks ont payé pour Mikal Bridges, si les Knicks performent, bah, les picks seront bas. Et cette saison, on le voit, le pic, il est plutôt aux alentours des 20e places que dans la loterie. Donc, faut relativiser ça. 5 picks de draft, c'est pas 5 picks de loterie. Non. Même si ça porte sur des années. Peut-être que dans l'eau, il y en aura un ou deux qui seront dans la loterie, mais voilà, d'ici là, les Knicks ont d'autres objectifs et d'autres besoins. Amusez-vous un peu à regarder sur les, sur les 5-6 dernières drafts. Regardez les premiers tours, juste les premiers tours, et regardez où sont certains joueurs et qu'est-ce qu'ils font. Et parmi eux, si vous vous souvenez de certains, et tous. Regardons cette finale. Haliburton drafté après Obi Toppin. Hein. SGA drafté également après Kevin Knox, c'est pas forcément le haut du gratin de ces drafts qui performent au bout de certaines saisons, de certaines années. Voilà, les joueurs prennent un peu de temps pour arriver à maturité. Pour être mature. Maturité. Pour arriver à leur prime ou pas. Voilà, la place dans la draft, elle ne fait pas tout. Loin de là. Allez! Après ces très longues revues de ce qui s'est passé sur 2 semaines dans la Ligue et qui concerne plus ou moins les Knicks, on ne parlera pas ici de notre ami grec qui s'appelle Giannis. Pour l'instant, pas de rumeurs, pas de nouveautés le concernant. On va se lancer dans le petit exercice que l'on fait chaque saison, enfin à chaque fin de saison. On va parler de nos joueurs. On va leur décerner des notes. On va sortir nos tablettes, si on a une tablette. Moi, j'ai une tablette. Ced a pas tablette. Moi, j'ai des feuilles, j'ai des feuilles de dessin. Ouais, mais j'espère que tu as bien dessiné. Et on va commencer par celui par qui on doit commencer quand on parle de New York. Quand on parle des Knicks, on va commencer par notre ami Jalen Brunson. Comment avons-nous apprécié la saison régulière et les playoffs de Jalen Brunson? Jalen Brunson, c'est sa saison 7. Sa saison 7 en NBA. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que j'écrive à l'envers ou si on écrit à l'endroit, est-ce que tu arrives à lire? Normalement, si tu écris à l'endroit, on arrive à lire. Commence par écrire JB et je te dirai si... Vas-y, pour voir. Enfin, toi. Alors, vous rappelez comment... Est-ce que tu lis GB ou est-ce que c'est écrit ouais, à la main? Ouais, je lis GB. C'est parce bon, il n'y a pas d'effet miroir foireux. Moi, dans mon retour, je me vois à l'envers. Donc, Ouais, mais t'inquiète pas. Moi, dans le retour d'enregistrement, même si ma caméra est figée là maintenant quand on parle, va savoir pourquoi. je c'est fais un GB, donc tu te caches derrière un GB. C'est des... Attention, un GB peut en cacher un autre. Alors... GB peut en cacher un autre. Du coup, c'est des notes sur... on met des notes sur combien? Ah non, c'est A, B, C, D, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on note à l'américaine. J'espère que je retrouverai mon flux vidéo. Ma caméra est figée, mais c'est pas grave. Elle va finir par revenir à un moment donné. Oui, la revoilà. Et donc, je resterai scotché sûrement un moment avec ma tablette pour pouvoir dire la note qu'on va mettre. Mais voilà, Jalen Brunson, est-ce qu'on a kiffé sa saison? Bah oui, il faut quand même dire que c'est un joueur qui a fini All-NBA, qui a fini All-Star aussi, même si la notion de All-Star maintenant elle va être à considérer différemment, encore plus la saison prochaine quand il y aura des équipes monde contre des équipes USA, ça risque d'être plus compliqué d'avoir des All-Stars. Côté américain, il y aura moins de place. Mais voilà, Jalen Brunson, bah, il s'est encore montré, pour moi en tout cas, à mon sens, tu me donneras tes avis, ta notation, ton appréciation de la saison du joueur, mais c'est montré encore une fois leader, Captain Clutch. Clutch Player of the Year pour la NBA, c'est pas rien, c'est au moins un award individuel que d'autres n'ont pas eu. Il s'est montré bah voilà, un leader offensif, leader à la passe aussi. On a vu plus de passes de la part de notre ami Jalen Brunson cette saison, 7,3 passes en saison régulière, 7 passes seulement en playoff. Alors oui, il y a eu de l'ISO Jalen Brunson parce qu'il y en a souvent avec Tom Thibodeau qui aime faire jouer ses joueurs majeurs avec des responsabilités. Un premier début de saison, moi j'ai eu l'impression qu'il voulait intégrer comme il fallait ses nouveaux coéquipiers qui étaient Karl Anthony Towns surtout et Mikal Bridges dans un second temps avec pas mal de distributions et un début de relation qui commençait à se faire. Et puis finalement la saison est passée et cette relation, cette connexion entre ces deux joueurs, on l'a trouvée un peu plus faible, moins régulière, moins présente, voire pas du tout présente, plutôt chacun jouer l'un après l'autre. Alors bien entendu, oui on ne l'a pas dit, on va commencer nos reviews avec le trio des Nova Boys pour cette émission. On ne va pas faire tout l'effectif, on a déjà 1h15 d'émission, on va commencer juste avec le trio des Nova Boys. Et puis on continuera la semaine prochaine avec peut-être le coach et puis les autres évaluations des joueurs majeurs de l'effectif. Mais voilà, on devait commencer par Jalen Brunson, une saison où même si il a entre guillemets souffert de l'arrivée de Karl Anthony Towns en termes de scoring, sa moyenne de points a un peu baissé par rapport à la saison dernière, elle reste tout de même encore une fois très élevée. Et puis une progression à la passe, un joueur plus passeur, ça tombe bien, c'est un meneur, c'est plutôt intéressant d'avoir un meneur passeur. Mais voilà, qui a permis de mener à bien cette saison régulière à 51 victoires, sachant qu'il y avait eu une blessure de Jalen Brunson pendant cette saison, qui l'a tenu écarté des parquets pendant quoi, une quinzaine, vingtaine de matchs, quasiment, moins d'une vingtaine de matchs. Il est revenu juste avant la fin de la saison régulière pour valider en tout cas cette sélection possible. Pour être All-NBA team, ouais. C'est quoi? C'est la barre des 65, fallait minimum 65 matchs, et ben ça tombe bien, il en a joué 65. Un temps de jeu. On a beaucoup parlé des minutes. Bah, de 35 minutes en saison régulière. Allez, pas me dire que c'est trop. Comme chaque année. Chaque année, Onyx, il a joué 35 minutes. Bah, depuis qu'il est meneur titulaire, que c'est un joueur qui est devenu calibre All-Star, que c'est un joueur qui fait gagner les Knicks, bah oui, c'est un temps de jeu à peu près raisonnable et normal qu'on peut attendre de ce joueur. Alors bien sûr, il y a des matchs où il a joué beaucoup plus parce que bah, l'équipe était en galère et on s'est reposé sur ses épaules. Voilà, il y a eu cette blessure. Est-ce que c'était une blessure de fatigue? Pas forcément, il se fait la cheville à Los Angeles. Voilà, effectivement, multiplier les matchs, multiplier les risques de blessure. Mais ces 35 minutes de temps de jeu en moyenne sur sa saison régulière ne sont pas forcément à mettre au discrédit de Thibodeau. Il y avait des backups, plutôt Campaign dans ce rôle. En playoff, le temps de jeu a augmenté, hein, 18 matchs et 37-38 minutes quasiment. Les stats ont aussi augmenté. JB s'est montré le leader offensif de l'équipe, encore une fois de plus, avec presque 30 points, 29-4, et 7 pattes, 3 rebonds, et des pourcentages plutôt bons hein, pour JB dans les différents secteurs du shoot. 3 minutes, tu sais que c'est 3 minutes de moins que la première campagne des Knicks qu'il a connue en playoff. Ouais. Il jouait 40 minutes à ce moment-là, et donc cette année, il a joué 37 minutes vite, quoi. Ouais. Bah après, il y a plus de matchs, donc la moyenne, elle est lissée sur plus de rencontres. Est-ce qu'on a eu quelques blowouts en playoff? Oui. Est-ce que du coup, il s'est reposé Cette à ces année, occasions? Ouais. pas des masses, hein, de blowout. Non, pas, en playoff, j'entendais. Mais cette année, ouais. Donc voilà, donc une saison pleine pour Brunson, qui a pas, qui s'est pas éclipsé, qui s'est pas effacé avec l'arrivée de Karl-Anthony Towns. Assurément, le leader, c'est lui. Hein. On a Le entendu capitaine. dire une fois, un jour, le capitaine, oui, accessoirement, il a pris la parole à différentes occasions, bien sûr par les médias. On l'a vu lors d'un accrochage en playoff entre OG Anunoby et Karl-Anthony Towns, où du haut de son 1m85-88, il est venu rappeler que, oh, c'est quoi ce bordel? Il a dit à tout Et calmer un petit peu tout le monde. voilà, et Voilà. taisez-vous. On n'a pas les mots exacts, mais on a compris le sens du message. Et ça a été plutôt bien recadré. Et l'équipe a suivi après derrière Il a son dit ferme capitaine. ton gueule. Vogel. C'est qui? Vogel, c'est le coach? Non, non. Donc voilà, donc bah, une saison où on ne peut pas dire grand-chose de négatif sur JB. Je ne sais pas si ce que tu veux ajouter par rapport à Jalen Brunson avant de rajouter des notes. Des notes, de délivrer nos Non, notes. bah, je développerai quand je dévoilerai ma note. Ok. Mais donc voilà, Donc, JB, bah. je commence à développer un problème avec Jalen Brunson. Non, Oh je non, rigole. pas toi, pas toi, pas Non, toi. non, je paraphrase Erwan Amotret. Mais Ouais, non, non. moi je trouve qu'il est trop petit. Non, je développe pas du tout un problème de Jalen Brunson. Jalen Brunson, je suis à mort. Alors, dévoilons nos notes alors. Une note pour la saison régulière, une note pour les playoffs, qui peut être différente, qui peut être identique. Une meilleure note en playoff, une meilleure note en saison régulière, on va voir en fonction des joueurs. Alors, on rappelle aussi notre système de notation. On va mettre des notes. Ces notes, ça ne veut pas dire la hiérarchie des joueurs, quel est le joueur le plus fort en X. C'est plutôt par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis de tel ou tel joueur. Est-ce qu'il a répondu à nos attentes? Est-ce qu'il était plutôt en recul par rapport à nos attentes? Est-ce qu'il nous a déçus? Est-ce qu'il a surpassé nos attentes? Voilà. Et ce, pour ces deux phases de la compétition que sont les playoffs et la saison régulière. Allez, le reveal des petites ardoises. Si la caméra ne fiche pas, attention, là, moi j'ai On le voit rien. format, vous voyez pas. Ah C'est oui. normal qu'on voit rien. Et là, on retourne. Hop, évidemment, la caméra fige. Donc, vous ne voyez pas ma note. Ou alors, peut-être que quand la caméra va défiger. Oui, non. Attends, je vais essayer de faire un petit élément pour enlever nos petits highlights de JB. Revenir un petit peu, oui, non. Bon, eh ben on va les dire autrement à l'oral le temps que la caméra revienne. Ah, si, ça y est. Ça y est, ça y est, on est. Hop, hop, hop, j'ai l'anneau lumineux, l'anneau de la sainteté. JB en saison régulière, j'ai mis un A+, tu as mis un A, je crois. Ouais, moi j'ai mis A et A aux deux. Et puis j'ai mis un A en playoff, donc je suis un peu plus satisfait de la performance en régulière. Que toi, bon, on est quand même sur des très bonnes notes, hein. On est Oui. sur la mention félicitations du jury, très très bien et tout, bac avec mention pour notre ami JB. Alors bon, je me lance peut-être sur le pourquoi j'ai mis un A+, moi, en régulière. Eh bien, c'est ce côté passeur. C'est ce côté passeur que j'ai trouvé un peu plus présent de la part de JB. Il avait de toute façon de nouveaux coéquipiers, il y avait une nouvelle organisation autour des Knicks par rapport à la saison d'avant. Donc il fallait en tout cas s'adapter, il fallait pas prendre que le jeu à son compte. Et j'ai un peu aussi l'impression que c'est une petite tendance qu'on a chez Jalen Brunson de savoir qu'en début de saison, bah, il est plutôt dans le collectif et plus la saison avance, plus il redevient peut-être un peu individuel pour faire gagner l'équipe quand il y en a besoin. L'équipe aussi se cache derrière peut-être un peu Jalen Brunson parfois pour aller chercher des paniers clutch en fin de rencontre pour faire gagner l'équipe parce qu'il sait les mettre, il sait aller les chercher ses points. Donc voilà, encore une fois, c'est une saison régulière complète pour moi, pour Brunson. Cette histoire de All-Star titulaire, c'est rien le All-Star maintenant, mais c'est pas rien au regard de son appréciation dans la ligue. C'est quand même une belle, comment dire, réussite, un bel accomplissement. Il y avait des équipes qui étaient plus performantes en collectif dans la saison. On pense aux Cavs. On aurait pu se dire que là, d'autres joueurs allaient être mieux considérés comme meilleurs meneurs de la conférence Est. Pour moi, dans la saison régulière, malgré cette blessure, il fait une saison pleine, rien à redire. Et donc, ce A+, pour moi, en saison régulière. Toi, est-ce que tu veux justifier que ton A? Ouais, c'est scandaleux, c'est honteux. Choubi que je suis pas d'accord avec toi. Oui, c'est sûr. Bah en fait, Aya, pourquoi? Bon, comme j'ai c'est dit, bien, c'est bien. Bien. Moi, Jalen Brunson, je le kiffe et il nous a porté toute cette saison et il a été excellent. Et si on a eu ces résultats-là, c'est en grande partie par ce qu'il a fait. Mais comme tu dis, on est là aussi pour émettre aussi des petites remarques. Sinon, en fait, on dit bravo à Jalen, puis on arrête là. Et puis, sinon, en fait, il n'y a pas d'intérêt à faire une émission. Alors, moi, ce que je reproche à Jalen Brunson, toi, tu as dit son esprit passeur, ok. Mais moi, ce que je reproche, c'est que ben, il n'y a pas eu. C'est lui le capitaine. C'est lui le dépositaire du jeu. Et je trouve que il y a au fur et à mesure de la saison, et ça fait un moment maintenant qu'on le dit, il ne joue pas avec ses intérieurs. Et ce qu'on voyait en début de saison qui nous laissait penser qu'il allait avoir une vraie relation 1-5, parce que pour le coup, quand on entend, c'est pas un 5 comme les autres, ben en fait, ça a disparu et c'était je joue, tu joues, je joue, tu joues. Et ça n'a pas été on joue. Et ça m'a un peu déçu. C'est en ça où je peux pas mettre A+, même s'il a été excellent. Hein, mais voilà, moi, j'aurais aimé d'avoir un Jalen Brunson, plus, je sais pas. Plus passeur encore et peut-être moins scoreur. Ouais, bah en tout cas, qui crée de véritables alchimies, notamment dans cet axe 1-5, qui on sait est assez important. Et ensuite, en playoff, A et pas au-dessus, parce que oui, il a été clutch. Oui, il a marqué des paniers importants. Mais des fois, il veut aussi trop en faire. Hero Ball. Des fois, c'est trop. Je porte tout le monde. Je sais que j'en ai les capacités. Allez, venez sur mes larges épaules et on y va. Et là, t'as envie de dire non, Jalen. Il y a une équipe autour de toi. Implique-les, tes copains. Prends pas toi-même le ballon et limite en première intention, prendre un 3 casse-croûte. T'es pas Cameron Payne. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu certains matchs en playoff, notamment des fins de match, qui m'ont un peu saoulé la façon dont il a voulu trop jouer, voilà, les mecs, non, c'est moi, et puis après en conférence de presse, oui, je reconnais, c'est de ma faute, j'aurais dû être chien, bon. Disons qu'à la fois, c'est une forme de responsabilité, il prend les shoots importants quand il pense qu'il doit les prendre, il assume sa part de responsabilité dans la défaite quand il y a des défaites, mais effectivement, un collectif qui a été enrichi en talent par rapport à la saison d'avant. Et est-ce qu'on a tiré pleinement profit de cette augmentation de talent? On peut se poser des questions. Est-ce que c'est du seul fait du coach? Est-ce que c'est du seul fait du meneur? Est-ce que c'est du seul fait des autres joueurs qui se sont cachés? Voilà, c'est sûrement un petit équilibre de tout ça qui explique ces raisons. Et l'équipe qui, des fois, ouais, effectivement, s'arrête et regarde jouer JB, quoi. Ouais, donc, voilà. Donc, il a manqué, voilà, de... Comme tu dis, c'est peut-être un peu de tout le monde, un peu de lui, un peu du coach, un peu de... Mais il a manqué par moments, je trouvais, voilà, de vrai général. Après, on le sait, c'est pas un pass first. Il a pas la qualité. Pas un meneur gestionnaire. On parle pas de Chris Paul ou... Haliburton, typiquement, qui est dans la passe et qui, des fois, va être en retrait offensif. De mecs comme ça. C'est... Lui, bah, il a cette faculté, par contre, à aller chercher les paniers, à aller marquer des paniers. Voilà, c'est un meneur, c'est un meneur slasher, un meneur scoreur. C'est pas un meneur passeur. Et rien que déjà cette année, bon, bah, il a quand même fait des efforts à la passe. Donc, mais après, voilà, attention. Les notes sont bonnes. On dit pas que il y a un problème. On ne fera pas ça. Voilà. Mais c'est vrai, hein, si on se focus que sur ce qu'il a fait de bien, oui, dans son côté clutch. On sait que ben il va aller chercher les paniers ou il va les mettre parce que ben il a pas du sang froid qui coule dans les veines, c'est de la cryogénie, c'est du, comment on appelle ça, du cryogène, tu vois, c'est du fréon. Adi Blue. Bref, le mec, on sait que il y a ça, on sait qu'il y a un formidable esprit de compétition qui va pousser ses camarades à se dépasser, qui était un vrai relais pour le coup de ton petit Bodo, parce que je pense que si les deux s'appréciaient, c'est parce qu'ils sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de vouloir gagner coûte et peu importe la manière. Donc voilà, après, c'est un des meilleurs mecs, une des meilleures signatures qu'on ait eues jusqu'à présent, enfin, depuis les années 2000. C'est peut-être sûrement, et car le meilleur joueur qu'on a eu depuis les années 2000 à porter ce maillot. Il est fantastique et tous les jours, on a une chance inouïe de l'avoir dans l'équipe. Quoi. Voilà. C'est... Mais après... Si on doit pinailler, voilà, après d'ailleurs, on pinaille un petit peu. Non, on parle pas non plus de sa défense, qui a pu être exposée, et entre autres en play-off, qui a pu être ciblée. C'est pas nouveau, il fait certains efforts, mais... Quand t'as 4 et lui, c'est vrai que tout de suite, tu le vois plus. Ouais. Donc voilà, Jalen Brunson. Bon, on est globalement sur des bonnes notes. Jalen Brunson, on te kiffe, on t'adore. Oui. On veut te revoir encore plus fort. C'est bien, ça rime. Et puis, à voir si la saison prochaine, ça y est, c'est enfin la saison où il nous porte jusqu'en finale NBA, voire mieux, jusqu'au titre. On verra tout ça la saison prochaine. On devait commencer par lui, c'était le leader. Bravo en tout cas pour ta saison. Et nul doute qu'il saura revenir encore plus fort. L'expérience et on t'aime. L'expérience des défaites va jouer aussi. À voir après avec un nouveau coach quelle relation il développe. On verra ça la saison prochaine. Ça viendra vite sûrement. On bascule de joueur. On parle d'un autre Nova Boy. On va parler de Mikal Bridges, un joueur qui est arrivé contre 5 tours de draft. Mon Dieu, c'est énorme. On parle de premier tour de draft, pas de second comme Kelly. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, il est plus jeune, tout simplement. mais il n'a pas non plus le même salaire. Il vient pas avec 50 millions de masse salariale dans les caisses d'Enix. Bon, il faudra peut-être le prolonger, notre ami Mikal. Mikal Bridges, qui était la première recrue, on va dire, de l'été de l'intersaison précédente. Il était arrivé avant la draft, je sais même plus. C'était en juin. Bah là, dans ces eaux-là, ça va faire un an. Ouais, ça fait un an. On va souffler bientôt la bougie anniversaire de l'arrivée de Michael. Michael Bridges, qui a traversé le pont. Il est passé de... La hype était réelle quand il avait signé. C'était une belle hype. Mais est-ce que, au contraire, cette hype, elle n'est pas retombée aussi vite qu'elle est arrivée? Ça a été une saison plus compliquée pour Mikal Bridges. En termes de production, forcément, on a un joueur qui est rentré dans le rang, peut-être par rapport à des tickets shoot et des opportunités qu'il pouvait avoir à Brooklyn. On est sous même sur, je crois, le troisième meilleur scoreur des Knicks. Troisième ou quatrième? Ouh, j'ai un doute maintenant. Je sais pas la stat de OG. En tout cas, on a du GB, on a du 4 en tant que meilleur scoreur. Et ça se bataille en entre... deuxième. Et c'est Mikal. Bah, ça se joue à 0,4 points. Hein, ouais. Entre OG et Mikal. Donc on est sur une paire d'ailiers, les wingstoppers qui étaient attendus pour apporter de la défense, qui ont apporté de la défense. Il y a eu quelques actions clutch de la part de Mikal et encore plus en playoff. D'ailleurs, ça va me faire changer ma note, tiens. Voilà, allez, je vais être un peu moins sévère, peut-être. Un peu plus dans l'encensement, je sais pas. Pour Mikal en play-off et aussi en saison régulière. Mais voilà, un Mikal qui a soufflé le chaud et le froid un peu en saison, avec par moments des absences en termes de production offensive, par moment la défense qui était peut-être un petit peu douteuse, avec des prises d'écran qui étaient pas aussi affûtées, aussi intenses qu'on pouvait l'avoir. On a un Mikal qui a eu le sentiment donner l'impression de chercher sa place dans cet effectif. Est-ce que c'était lui, la troisième option? Est-ce que c'était OG? On en a parlé souvent sur cette émission, où on se demandait un petit peu quel était le rôle exact dans la hiérarchie. Un Mikal qui a joué beaucoup, il a joué 82 matchs, bon ça, de toute façon, il a un record qu'il tenait à conserver, et qui a joué beaucoup de minutes aussi. Longtemps, il a été le joueur qui faisait le plus de minutes, sous Tom Thibodeau, bien sûr, mais sur les NBA au sens large. Donc, c'est pas un joueur qui n'a pas trouvé sa place faute de temps de jeu. Il a joué avec des titulaires, comme il a joué avec des joueurs un peu de seconde unit. Mais voilà, on n'a jamais trouvé non plus un rythme qui était régulier de la part de Mikal. On y a pensé quand Jalen Brunson s'est blessé. On s'est dit, ah, ça y est, c'est lui qui va prendre le relais. Bon, ça a duré le temps de quelques matchs, et puis après, c'est rentré dans le rang. Voilà, Mikal Bridges, beaucoup d'attentes, un joueur avec un profil assez atypique, avec un shoot qui a été retravaillé juste en arrivant à New York, pourquoi pas, hein, quitte à avoir des changements, autant en faire plein. Et pour autant, un joueur qui a apporté son côté fun, son côté un peu jovial, ses sourires, ses célébrations, qui parfois ont plu, parfois ont déplu fortement, parce qu'il n'était pas forcément dans un esprit type fighting spirit. Certains ont osé, oui, on peut appeler ça, ont osé parler de softitude lorsqu'on voyait l'Enix, et peut-être incarné par ce Mikal Bridges, qui était présent pour célébrer, mais pas tout le temps. parce que bah voilà, il n'y avait pas moment, il n'y a pas besoin de célébrer tout le temps, parce que des fois c'était un peu la galère pour Mikal et compagnie. Un joueur qui nous a régalé avec son mid-range, un petit peu moins des fois avec ses 3 points, et puis un peu moins parce que parfois il était planqué dans le corner tout simplement. Voilà, une saison mitigée peut-être pour Mikal dans l'appréciation, malgré des stats qui sont plutôt bonnes aussi. Hein. On parle pas d'un joueur qui a floppé, qui a pas tenu son rang, mais peut-être que son rang, il était moins haut que ce qu'on pouvait prévoir, malgré une connexion normalement historique avec ses poteaux des Nova Boys. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mikal Bridges, avant de révéler les notes? Pour l'instant, on n'a pas révélé les notes. J'avoue que je suis... Je sais pas trop comment mettre mes notes, moi, sur Mika. Non, bah, mes notes, c'est une déception, hein, donc... c'est ce que ça va retranscrire. Je vais encore changer ma note. C'est ce que je vais encore changer ma note, allez. C'est ce que... Moi, j'ai levé mes mains depuis tout à l'heure. Moi, j'ai posé mes notes. Dans ma tête, c'était clair. J'ai... Attends, je remets bien le ventilateur, parce que... En ce moment, c'est vrai. Voilà. Mais je développerai plus quand je montrerai. Alors dévoilons nos notes tout de suite. Le retournement de d'Ardoise. Est-ce que je veux pas de. J'ai mis un C et un B. J'avais mis un B- pour la régulière. Je viens de le changer en C. Et j'avais mis un B- en playoff. Tu as mis un B+ et j'ai remis un B. Allez. Donc oui, on est sévère. Je suis plus sévère que toi. Bon, ok, je suis plus sévère que toi. Moi, j'attendais plus de Mikal. J'attendais plus de Mikal. On attendait plus de Mikal. Après, C, je trouve ça quand même dur parce que. Oui, mais je suis dur. Man, après, bah, je peux comprendre. Mais après, voilà. Après, B- ou C, bon. C'est... Mais B-, B- parce que. Je trouvais qu'en fait, il a fait les minima. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dépassement de fonction ou il n'y a pas eu de sublimation, quoi. Je sais pas si on peut le dire, tu vois. Il y a eu un gros game contre les Spurs à Noël, tu vois. Ouais. Où là, on s'est dit, ah putain, c'est peut-être lancé sa saison. Et puis après, c'est à nouveau planqué. Et puis, on l'a vu. Alors, on le voyait bien comme OG, un peu au début du match. Et après, il disparaissait. Et puis, en défense, alors, est-ce que ça, c'est pareil? Est-ce que c'est comme ça qu'on lui a demandé de jouer en défense? Mais je trouvais qu'il prenait des F, en plus, savoir qu'en faire. Je crois qu'un jour, d'ailleurs, il a été. Il n'a pas pu faire un match, il avait chopé une otite. Parce qu'il y a trop de courant d'air. Mais j'étais déçu de son jeu offensif. Je m'étais mais tellement hypé de ouf quand il a signé. J'étais en mode waouh. Et j'aurais pu tweeter en gros. En majuscule, tu vois. J'aurais pu me lâcher Twitter en majuscule et j'ai pas tweeté en majuscule. Mais c'était incroyable. Et en fait, bah, ça a fait. C'est retombé. Et alors pourquoi B+ par B- à B+, tu vois, parce que j'ai trouvé que quand même là il a joué plus en playoff, il a joué plus dur. On a eu des vraies à l'image de l'équipe, l'image de l'équipe défensivement, on a haussé le ton. On a eu des vraies actions clutch là, notamment où on l'attendait contre Boston. Il a su être présent mais par contre voilà, en finale face à Liberton, plus compliqué. On peut pas vraiment citer de grosses actions le concernant, hein, finale de conférence, hein, franchement. Non, ses faits d'armes sont effectivement le match de Noël, où il est à quoi, 40 points, il fait un mano à mano avec Wemby, incroyable. Et c'est lui qui fait gagner l'Enix sur ce match-là, donc on se dit, effectivement, il a coché la date, il faut savoir pourquoi, il doit croire au Père Noël, et c'est son match qui le révèle, c'est un des rares Knicks à avoir mis 40 points, rare. Non, il y en a eu 4, hein, finalement, à avoir mis des sorties à 40 points cette saison. Et puis, il y a le match aussi en régulière, là, à Portland, où il met son buzzer beater, où il fait gagner l'Enix. Alors, il a marché, il n'a pas marché. Bon, voilà, c'est son fait d'armes un petit peu à ce moment-là. Il y avait eu, je retiens aussi en Cup, ce contre mis sur Dennis Schroeder, qui était à l'époque aux Nets. Il y avait eu ce contre aussi sur Nikola Vucevic. Face aux Bulls aussi, alors est-ce que c'était en cup ou je sais plus quel match de régulière? Donc il y a eu quelques faits d'armes. C'est pour ça que je t'ai dit que B- moins pour ponctuel. Moi, il a fait, voilà, pour moi, il a fait les minima, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais. Ce qu'on retient, c'est surtout ses actions en playoff dans la série face à Boston. Face à Boston, où les deux premiers matchs, les deux victoires, on mène 2-0, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'il fait des stops, ils arrachent les ballons. Il a martyrisé les Celtics à ce moment-là. Alors bon, le 3 il s'est peut-être tanké pendant une autre partie, mais... Le 3 points clutch aussi, dans le corner, enfin... Mais voilà, on attendait plus de prise de responsabilité de sa part. Alors, est-ce que c'est le coach qui a une part de responsabilité dans son utilisation que partielle par rapport à ses qualités? Je serais tenté de dire oui et non. Parce que effectivement, quand il est dans le starting five avec les autres, il n'y a qu'un ballon. Il faut arriver à faire circuler tout ça. On l'a dit, Jalen Brunson, il n'était peut-être pas forcément trop, pas suffisamment en tout cas, dans le mouvement de balle. Et ça s'est vu. Mais ceci dit, Mikal Bridges, il n'a pas joué tout le temps avec le starting five. Il a joué beaucoup, il a joué tout le temps. Il a joué aussi quand il était avec la seconde unit. Et là, bah, il était un joueur parmi d'autres. Ce n'était pas le joueur qui était au-dessus des autres. Et ça, ça me dérange un peu parce que bah, du coup, on lui a donné un rôle, on lui a donné beaucoup de minutes. Ouais, on a essayé de le mettre dans des conditions pour peut-être faire briller, peut-être pas avec le starting five, mais voilà quoi. Donc, moi, c'est en ça où j'ai été déçu par sa régulière. Ouais. Et puis, j'ai eu des moments où j'y ai cru. Puis après, bah non. Et puis après, on y croit. Et puis après, bah non. Donc, il y a ce côté, est-ce que c'est un joueur régulier? Est-ce que c'est un joueur qui vaut ces fameux 5 picks? Il va se traîner cette étiquette pendant un moment. Heureusement, Desmond Bane en prend une de 5 picks aussi. Donc, on verra un peu où est-ce qu'on en est. Mais il y est pour rien, lui, qu'il ait été trade contre 5 picks. Et puis Bogdanovic, et puis je sais plus, Shaq Milton ou je sais pas quoi. Il n'a pas demandé à être trade pour autant. Par contre, il va demander à être prolongé à un moment donné. Et là, ouais. Là, on verra. Attends, tu veux être prolongé, mais à quel niveau? Au niveau de OG Anunoby? Ah ouais, non. C'est non, compliqué non. Au niveau des finances d'Enix. Ouais, t'as vu que Jalen Brunson, il a fait une petite ristourne sur son salaire. Tristourne à 100 millions. Donc, va se poser ces questions. Est-ce que cette prolongation, elle va avoir lieu là, maintenant, cet été? Est-ce qu'elle va avoir lieu plus tard? Est-ce qu'elle va pas avoir lieu parce que Mikal pourrait être trade? Se pose des questions quand même autour de Mikal Bridges. Cette paire de wingstopper, bah, c'est l'ailier qui nous a peut-être moins convaincus dans les deux ailiers. Alors que moi, j'aurais attendu plutôt qu'un OG soit plus en retrait offensivement et se donne vraiment à fond sur la défense. Il l'a fait, mais voilà. Et plutôt Mikal plus présent offensivement, vraiment le troisième maillon du Big Three. Et non, en régulière, c'était pas ça, quoi. Alors en playoff, il y a du mieux, mais voilà, un B que pour moi et un C parce que finalement, j'attendais plus de Mikal et j'ai été déçu. De là à se dire full trade, machin, non, je me dis bon, c'était la première année, t'as joué beaucoup. Avoir Jordan avec un nouveau coach, comment. Son utilisation. Ouais, mais peut-être qu'on aura la même chose. Peut-être qu'on aura la même chose et à ce moment-là, on pourra se poser vraiment la question, est-ce que c'était vraiment le bon joueur? Est-ce qu'on l'a fait venir parce que c'était un Nova Boy? Est-ce que... Voilà, je me suis fait une comparaison, même si cette saison elle n'a pas porté dans sa faveur, mais Andrew Wiggins, c'est pas le calibre d'un Mikal Bridges. Bon parfois, mais qui peut s'effacer. Défenseur avec un peu de talent offensif aussi. Est-ce que c'est pas le même acabit de joueur? Est-ce qu'on n'aurait pas pris un Andrew Wiggins plutôt qu'un Mikal Bridges s'il avait été sur le marché et qu'il n'avait pas fait la fac de Nova avec Brunson et Josh Hart? Voilà, bon, à voir. En tout cas, Wiggins est au hit. Il devrait y rester, je sais pas. On verra s'il est prolongé, pas prolongé, trade ou pas trade. Ça, c'est les affaires du Miami Heat. Mais voilà, je suis pas entièrement convaincu qu'on avait besoin de Mikal. Est-ce que cette succession, cette collection d'ailiers nous a pas porté préjudice? Parce que voilà, il avait une capacité aussi à jouer poste 2, poste 3, éventuellement 4. Mais du coup, en termes de rotation et par rapport au banc, bah, on n'avait pas forcément le complément, le backup de Mikal. Mikal a joué beaucoup. C'était qui son backup? C'était Landry Shamet. Landry Shamet qui a été blessé au début, qui a eu des passages plus ou moins réussis. Voilà quoi, donc on avait un joueur un peu à tout faire, un peu couteau suisse, qu'on a beaucoup utilisé, mais est-ce qu'on est content de son rendement? Je lui laisse encore le bénéfice du doute et je me dis, bon, on verra la saison prochaine. Je suis pas partisan de le trade là cet été pour je sais pas qui, dans un package pour je ne sais pas faire quoi, à voir les opportunités qui pourront se présenter à Léon, à voir s'il y a prolongation ou pas. On sait que quand Léon Rose prolonge pas tout de suite, pas forcément signe de longévité à New York. Et en même temps, bah, on a déjà payé assez cher pour pouvoir mettre la main sur Mikal. Est-ce qu'il le vaut ce prix? Ça, c'est encore une autre question. Les picks de draft seront sûrement assez bas. Mais voilà, moi, plutôt déçu de sa saison régulière parce que trop peu de moments Mikal, quoi, en fait. Quoi. Trop peu de moments Mikal. On aurait pu espérer le voir être dans une discussion All-Star. Il en était très loin, quoi. Très loin, malheureusement. Voilà, et donc on va finir avec notre troisième larron pour cette émission, qui approche des 2 heures, et ça va aller assez vite pour le dernier. Le dernier, Nova Boy, vous le connaissez, ça fait déjà 2-3 saisons qu'il est à New York maintenant. Il s'agit de Josh Hart, le numéro 3, monsieur qui joue avec la tête en sang, monsieur qui a été titulaire, et ben oui, quasiment toute la saison, enfin voire quand il n'était pas titulaire, c'est parce qu'il était blessé. Josh Hart qui a été souvent dans les discussions de « Ouais, il faut le mettre sur le banc, il faut rééquilibrer avec un vrai poste 5 et décaler 4 en 4, donc qui va sauter, qui va retourner sur le banc, ça va être Josh Hart ?» Bah non, c'est pas ce qu'on a vu en saison régulière, c'est ce qu'on a vu en play-off. Ça a été une adaptation à faire de sa part. Et Josh Hart, bah, qui a été monsieur triple-double cette saison, quoi. Il les a encore enchaînés, collectionnés, compilés pour montrer aussi ce réel rôle de couteau suisse. Parce que là, on avait la production statistique au rebond, on avait de la production statistique à la passe. C'était le deuxième meilleur passeur des Knicks derrière Jalen Brunson. Alors que voilà, c'est pas forcément son rôle premier. Quand on pense à Josh Hart, on se dit pas oui, c'est lui qui va distribuer le jeu. Eh ben si. Et puis au scoring, bah, il a été plutôt bon aussi. Hein. En saison régulière, il tourne à. J'ai plus ses chiffres, ils sont en train de défiler. Et il manque 13,6 points par match. C'est pas mal. C'est pas mal pour un joueur dont on n'attendait peut-être pas une telle production offensive, ou du moins une baisse. 37 minutes, c'est lui le joueur qui a le plus joué en NBA en termes de minutes. Voilà, merci Tom Thibodeau d'avoir utilisé Josh Hart. En tout cas, il a bien utilisé le rendement de son joueur. Son joueur lui a rendu l'appareil. 5,9 passes en moyenne sur la régulière, quasiment 6. 9,6 rebonds pour un joueur de petite taille, mais donc on connaît déjà la capacité, le timing au rebond. Et en playoff, bah, on est sur un temps de jeu qui a baissé. Bah oui, rétrogradé en seconde unit sur la série face aux Pacers. Ça s'est fait tardivement, mais ça s'est fait. Est-ce que ça a été profitable aux Knicks? Chacun se fera son avis. 11,6 points. Et les stats au rebond. À la passe, on est à 4,4 passes. Moins de passing game. En même temps, les défenses, le rythme aurait diminué. 8,8 rebonds. Encore une très belle présence au rebond. C'était le deuxième rebondeur de l'équipe derrière Karl Anthony Towns. Voilà donc pourquoi il était autant utilisé sur le terrain, de la passe, du point quand on a besoin. Un joueur qui n'est pas respecté par sa qualité de shoot, mais ça malheureusement, ça risquera pas de changer du jour au lendemain. Donc ça pouvait peut-être pénaliser, on a porté du rebond et pourquoi pas de la relance, du coast to coast. Josh Hart qui nous a livré une saison à la Josh Hart quoi finalement. Quoi. Josh Hart, un soldat qui apporte un peu tout ce que les Knicks ont besoin pour colmater, pour compléter quand les autres joueurs autour de lui ne le font pas. 77 matchs, ouais, plutôt pas mal, et 18 de saison régulière. Josh Hart, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si ce n'est que j'ai acheté son jersey cette année. Un joueur validé pour moi, digne héritier du numéro 3, des grands numéro 3, ouais, non, du grand numéro 3. Josh Hart, c'est un joueur que j'adore, mais... Je sens le mais j'aime pas ses coiffures. Non, mais je me demande si on le surestime pas. Il fait des triple-doubles. Il prend des rebonds, il a une vraie science du rebond. Qui ne fait pas triple-double en NBA aujourd'hui en même temps. Mais est-ce qu'on surestime pas sa défense, tu vois? Et c'est un joueur qui a du cœur, mais qu'on voit quand même à un moment donné qui est assez limité en termes de talent. Notamment en play-off. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs quand même qui en saison régulière sont souvent meilleurs qu'en play-off. Et quand en play-off le niveau des jeux s'élève, le joueur pas disparaît, mais ça devient plus compliqué. Ou en tout cas, les problèmes sont vraiment mis en exergue. Quoi. Et moi, Josh Hart, je ne serais pas surpris si l'année prochaine, par le nouveau coaching staff, s'il n'est pas un titulaire à part entière, tu vois, si c'est pas un mec qui va retourner sur le banc en mode sixième homme, parce que peut-être que c'est là en fait son rôle, et c'est là qu'il a été pris au Knicks, et c'était là qu'il était bon. Je dis pas qu'il est pas bon, hein. Mais je dis juste que des fois je pense que l'équilibre, ben, elle passait peut-être par lui sur le banc, en voir autre chose dans la façon de formuler le 5. Et lui, en fait, en sortant du banc et en amenant ses coast to coast, ses rebonds rageux, tu vois, ses arrachages de balles. Fin... Mais après, un titulaire, 38 minutes, je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop. En temps de jeu, on est d'accord qu'il y a beaucoup d'utilisation. Parce qu'il apporte. Mais pour un joueur de ce calibre-là. Ouais, mais pour un joueur de ce calibre-là. Ouais, ouais. Ouais, on est plus sur un 33 minutes, 35 minutes grand max, quoi. Et c'est un petit écart quand on considère comme ça, dire 3-4 minutes de plus, de moins. Ça change quoi? Oui, mais tout de même. Si on avait effectivement une option viable sur le banc pour. Ou alors une organisation différente. Moi, j'ai pas été séduit par l'ajustement en playoff avec un Mitch dans le 5, mais ça, on en parlera quand on fera la revue de Mitch. Mais parce que, et du coup, est-ce que Josh a... C'est pas quelque chose qui s'improvise. Non, bien sûr. Qui s'installe. Pourquoi, par exemple, hier, que quand t'as Liberton qui sort sur blessure, t'as quand même des Pacers qui tournent bien? Oui, parce que l'équipe déjà tourne bien collectivement. Parce que toute la saison, en fait, ça a été travaillé comme ça. Toute la saison, en fait, tu as eu un collectif qui a été mis en place. Et tu as eu donc des longues minutes où tu avais Haliburton qui était sur le banc. Et des fois, quand il était pas bon, eh ben, il restait sur le banc. Et tu avais un groupe qui jouait ensemble et qui connaissait leurs forces, leurs faiblesses, qui avait créé quelque chose. Et donc, en fait, si tu veux, tu peux pas d'un coup demander à tes joueurs de créer quelque chose en 24 heures. Alors qu'ils avaient toute une saison régulière pour le mettre en place. Là où je focus uniquement sur Josh Hart, c'est qu'il apporte du rebond. Là où on avait comme producteur de rebond un Karl-Anthony Towns, mais nos ailiers n'étaient pas trop dans le sens du rebond. Moi, j'en ai parlé souvent vis-à-vis d'OG Anunoby, qui a fait des efforts, qui s'est adapté aussi en fin de saison. Donc ça, on l'a noté. Mais du coup, on avait ce Josh Hart qui compensait, qui était là pour... Alors, au détriment peut-être de défendre sur les lignes extérieures. Il couvrait le manque de rebond de ses ailiers, là où plutôt ça aurait été aux ailiers d'aller se positionner vis-à-vis des rebonds défensifs et tout. Donc voilà, on a peut-être des fois laissé ouverte la ligne à 3 points en anticipant un rebond côté de Josh Hart. C'est un mal pour un bien, parce que oui, il est très fort au rebond, il va en sécuriser plein, mais des fois il va peut-être aussi laisser son shooter ouvert. Donc voilà, il y a un peu le côté comment bien utiliser. Il est utile aussi à la passe. On l'a vu en relais, il est en capacité de remonter le ballon. On l'a vu sur ses playoffs, sur ses finales. C'est pas tout le temps à Liberton, c'est pas tout le temps SJA qui monte le ballon et qui se prennent les pressions défensives tout terrain de la remise jusqu'à l'attaque adverse. Donc on avait cette capacité de Josh Hart de faire remonter, d'accélérer le tempo, de faire de la passe. Il est voilà, bon passeur aussi. Donc c'est ce côté couteau suisse. On n'attendait pas de scoring de sa part, il en a apporté par moment parce qu'il était libéré, et tant mieux. Est-ce que en le repositionnant comme étant un joueur de banc, on aurait eu la même utilisation, la même profiter autant de ses qualités? Sûrement, parce que voilà, un joueur qui prend des rebonds, ce sens du timing il l'a, mais est-ce que je sais pas, et en même temps on peut pas refaire l'histoire parce que Mitch a été blessé et est revenu assez tardivement. Est-ce que ça aurait été du Precious était blessé aussi un peu au début, voilà, c'est cet ajustement dans le 5. On a une formule qui a quand même relativement marché, qui était peut-être pas parfaite, qui était peut-être pas idéale, qui a eu par conséquence de faire une scission avec les joueurs du banc, avec un très fort utilisation du starting 5 et très faible utilisation des joueurs du banc. Donc voilà, est-ce que Josh Hart, la saison prochaine, c'est un joueur de banc? Possible. Est-ce que c'est un titulaire indiscutable? Pas forcément. Tout va dépendre du dispositif mis en place. La saison dernière, Josh Hart, c'était pas un joueur du starting 5. Enfin, la saison dernière, la saison avant l'arrivée de Kat. Et il est arrivé par la faute des blessures qui se sont empilées côté New York. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouve qu'on ne pouvait pas lui demander plus que tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a été surutilisé? Peut-être. Est-ce qu'il a répondu à cette surutilisation? Oui, alors peut-être que par moment il y avait un peu d'essence en moins dans le réservoir, ce qu'on peut largement comprendre. Et est-ce que le talent, il est complètement là pour être une menace vis-à-vis des défenses adverses? On l'a vu que non. Il est souvent laissé libre au shoot. À lui de les prendre, à lui de les mettre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, voilà, Il a produit, et moi j'ai du mal à tirer sur Josh malgré ses limites. ses limites sur le jeu offensif. Et des fois, un peu un joueur qui fonce un peu trop tête baissée. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai du mal à tirer sur le saut d'Adjush. Alors, est-ce qu'on révèle nos petites notes pour notre ami Art? Le reveal des ardoises. Alors, moi, je suis sur un A en régulière et un B en playoff. On est aligné sur les playoffs. J'étais sur un A moi au début, puis je suis remis un A pour la régulière. On est d'accord sur les playoffs. Les playoffs, bah ouais, il a été moins impactant. Dans les stats, on le voit un peu, mais c'est pas qu'une histoire de stats. Non, c'est une histoire de. Il y a la fatigue aussi. Il y a la fatigue, il y a un exercice qui est quand même dense. Hein, 77 matchs de régulière, plus 18 de playoffs, voilà quoi. Puis, pas avec des oppositions faciles. Hein. Premier tour face à Détroit, c'était pas évident. Le second tour face à Boston, encore moins. Et là où on a plus souffert, et peut-être aussi c'est ça qui fait qu'on reste dans des notes un peu plus à la baisse, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est la série face à Indiana, quoi. À Indiana, on n'a pas eu un collectif qui a réussi à surpasser les Pacers. Le collectif des Pacers a surpassé le collectif des Knicks. Et ça va aussi par Josh Hart, qui a été remis sur le banc au profit de Mitch Robinson dans le starting five. Alors, il a toujours eu ses minutes. Hein. Il n'a pas disparu de la rotation, clairement pas. Il a réussi à se remontrer productif. Ce n'était pas forcément évident pour lui de se réadapter, hein, je pense. Même si c'est un joueur NBA, il était prêt à ce genre de sacrifice aussi, je pense. Mais voilà. Et donc, ouais, toi, que un B+ en régulière, ce qui est déjà une très bonne note. Ouais, non, est-ce que tu veux compléter par rapport à ça? Non, j'aurais pu mettre à moins. Après, comme tu dis, oui. Moi, je pense que Josh Hart doit pas être... depuis le début, ce 5... De toute façon, tu le sais, hein, depuis le départ, moi, ce 5 ne me convenait pas. Alors oui, tu vas me dire, mais là, on fait quand même finale de conf, faut voir ce qui va être écrit. Voilà, quand même. Oui, on était finale de conf, on n'a jamais véritablement dominé nos adversaires. Non, qu'ils soient régulières ou... On est toujours passé au forceps. Il n'y a jamais eu de véritable identité de jeu par notre équipe. Bon, ça c'est un autre problème, mais... moi, j'estime que quand même Josh Hart est un joueur d'impact qui doit sortir du banc et c'est pas un mec, c'est pas un titulaire. Alors attention, c'est pas parce que t'es un joueur de banc que tu fais pas tes minutes ou que tu ne finis pas les matchs. Comme dit Jacques Monclar, le principal pour un joueur, ce n'est pas de commencer, mais c'est de finir les matchs. Donc c'est pas parce que pour eux, c'est un sixième. Et on sait qu'on souffre d'un sixième homme, d'un véritable sixième. Ouais. Et pour moi, je pense qu'il pourrait être ce sixième homme, justement ce sixième homme qui nous amènerait du 12-13 points de moyenne par soir. Et on ne lui demande pas de nous faire des triples-doubles, mais ce connecteur. Et j'ai trouvé que des fois. Il était, ses pertes de balles étaient trop foufou, ouais. Ses passes un peu casse-croûte, ses façons un petit peu, à un moment donné des fois ça déconnectait quoi. Donc voilà, c'est pour ça B+, et B, bah, là tu on est d'accord sur B, parce que pour B, il n'a pas fait des playoffs transcendants, voire des fois même un petit peu effacé, voire parfois même ciblé. Donc voilà, Josh Hart, je dirais pas que la lune de miel est terminée, parce que c'est un joueur qui nous plaît dans sa façon d'aborder les matchs. Dans l'esprit, dans la mentalité new-yorkaise, on est sur ce type de joueur. Voilà. Jalen Brunson l'est aussi d'un point de vue engagement, combativité, résilience et tout. On est sur un des leaders aussi, ça, c'est un point qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais en termes de prise de parole dans les médias, dans les réseaux sociaux, Josh Hart est souvent, voilà, il y a un peu ce côté co-capitaine. Alors voilà, il anime un podcast avec le capitaine, mais voilà, il y a ce côté un peu vétéran qui connaît l'équipe, il a trouvé sa place, il est pleinement un booker. Donc oui, quand tu dis la lune de miel, elle est peut-être pas terminée. On parle pas d'un départ, on présume pas d'un départ de Josh Hart imminent. Non. Phoenix. Mais peut-être que ça y est, on a compris quel joueur c'était. On a vu aussi peut-être ses limitations. ses limites. Et peut-être que son utilisation à outrance dans le starting 5 le dessert parfois. Donc à voir. Est-ce que c'est un joueur pleinement? Est-ce que ça serait vraiment un sixième homme dans le style oui, j'apporte 10, 12, 13 points par soir. On a vu qu'on n'en avait pas cette saison. Est-ce que lui pourrait avoir ce rôle et pourrait être plus dans l'attaque qu'il était là dans le mode je fais tout? À voir. En tout cas, moi j'ai trouvé comme étant très bon, très complémentaire. Des fois, un starting 5, il faut avoir un joueur moins fort, entre guillemets, pour que les autres puissent exister. Et Josh Hart, c'est pas le joueur qui demande, qui accapare le ballon. C'est un plutôt bon ball handler. Et ça, ça nous a manqué. Mikal, moi je pensais qu'il était ça. Ce profil de joueur, c'était pas le cas. Donc à voir, effectivement, la saison prochaine avec un nouveau coach. On sait, il y aura un nouveau coach. On sait pas qui, on sait pas comment ça va jouer. On sait pas qui, quelle rotation on aura, quelle minute on aura. En tout cas, ça sera très intéressant de voir comment Josh Hart est utilisé. Ses minutes vont-elles diminuer? Ça peut pas faire de mal, mais est-ce que son rôle, son utilisation va diminuer? Ça, on le verra la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, la saison prochaine. Et dès lors qu'on aura un nouveau coach sur le banc des Knicks. Voilà pour notre trio, notre vue des Nova Boys. On est quand même sur des bonnes notes. Hein. Voilà, on n'a pas attaqué les joueurs qui nous ont peut-être le plus déçus. Quoique si, Mikal, moi j'ai été sévère. Tant pis. Allez, je suis sévère. Vous direz, ouais, vous êtes trop sévère. Moi j'aurais mis un D. Ah bon? Alors dites-nous en commentaire les notes que vous auriez vues pour ces joueurs. Et puis nous, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Oui, si le réveil, ça met bien. Pour poursuivre un petit peu ces reviews, on a commencé par ce trio des Nova Boys. On est déjà à 2 heures d'émission. On va rendre l'antenne, c'est déjà bien comme ça. Oh. Et on vous promet de repasser en revue les autres joueurs d'Enix. Il y en a encore un petit paquet. Ça va balayer, là. Et là, peut-être que, attention, ça va, il y a des oreilles qui vont siffler. Hein. Peut-être. Hein, peut-être. Et puis bon, on va voir qui est drafté ou pas. Un Européen qui reste en Europe, ce coup-ci. Avec un pick 50 Attention parce que alors, le second tour de draft, c'est le moment de Léon. C'est le moment préféré de la saison de Léon. Parce que là, en plus, dans les coulisses d'une cuisine de resto chinois, tu vois, là où ils sont, là où ils font le second tour, là, ça prépare, ça fait des trucs. Il adore ça. On n'est pas à l'abri que son pick 50 se transforme en pick 34. Mais redevienne un pic 42 et finalement on ne drafte pas. Donc qui bascule sur la saison prochaine. Voilà, c'est tout est possible. En tout cas, tenez-vous prêts, on va essayer de suivre ça et puis peut-être qu'il y aura d'autres trades. Un domino est tombé, Desmond Bane. Bon, c'est un petit domino ça. Un gros domino, Kevin Durant. Un vieux domino. Est-ce qu'il y aura d'autres dominos qui vont bouger? Qui a été vachement utilisé, il colle maintenant. Tu sais ce que c'est comme domino. Est-ce que ça sera plutôt des Domino's Pizza? À voir. Petit placement de produit gratuit là. Et hop. En tout cas, on va suivre ça cette semaine avec attention. Il n'y a plus de match jusqu'à l'arrivée de la Summer League. Donc on va retrouver un peu de sommeil. Ça tombe bien parce qu'il fait chaud en ce moment. Donc voilà. On espère que vous allez passer un bon été. On a quelques images Enix qui sont déjà en vacances, qui ont l'air de profiter. Donc on va vous souhaiter aussi de profiter. On est rendu sur nos séries Avenix Suburn, Avenix Week. Ça va être de la review, ça va être des projections par rapport à la saison prochaine. En tout cas, on se donne rendez-vous, même endroit, même heure, lundi prochain, pour l'épisode 130. Allez, d'ici là, bah, let's go Nix quand même. Hein. Bien sûr, toujours. Let's go Léon. Va nous chercher un bon coach. Et puis on reparle de tout ça la semaine prochaine. On est prêt à soulever la coupe. Eh, ce t-shirt, il est collector, parce qu'il y a un personnage, au moins, qui ne sera plus là la saison prochaine. Mais si vous avez le t-shirt, vous savez. Au moins, parce que bon, c'est pas pour les autres. Mais il y en a au moins un, c'est sûr. Au revoir. Ciao Tom. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Let's go Knicks. Allez, pour toi. Si tu veux venir la semaine prochaine, on t'invite. Si tu veux venir t'expliquer. Pas de problème. Des fois, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas compris. Allez, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 130. Ciao, ciao!